Là, C'est c'est correct, quoi que ça. t'as dit durant le soundcheck? Que j'aime les egg green. C'est les œufs Cadbury, ça? Right? Non, c'est le cossin ici. Hein? Fait à peu près un quart de verre de lait avec sirop de chocolat dans des proportions normales, comme si c'était pour te faire un très petit lait au chocolat, puis le reste, tu mets de l'eau pétillante. Ah, je pensais que ça allait dire des œufs. J'ai non. peur. Non, c'est ça qui est cool, il n'y a pas de crème, puis il n'y a pas d'œuf dedans. Mais ce nom de merde. Il y a du lait. Nous sommes le jeudi 6 mai 2021. Vous écoutez, on a juste une vie, épisode 320. Je suis Narf. Je suis Bibla. Je suis Anne-Marie. Je suis Camille. Yay! Allô, le Camille. Timing d'enfer. Bonjour Camille. Bonjour. Là, je pense que... Avez-vous tous joué à Pokémon Snap sauf moi? Ah, je sais pas, Blob, t'as-tu joué? Non, mais je vais jouer. Ah, ok. Ah, okay. C'est comme prévu dans ma tête que je vais l'acheter. Il suffit que ça soit le bon moment, puis que j'aille le temps, puis tout ça. Okay, peut-être que pendant que mes vacances. Parce qu'il y a comme beaucoup de gens autour de moi qui l'ont acheté. Mais là, la question, c'est, y es-tu bon? Puis comme, j'avoue que ça fait quoi, une semaine là, que vous jouez? Puis ouais. Vous n'avez même pas parlé dans le Discord. Je me suis tellement retenu là. Ah, je me suis vraiment retenu de comme au début quand tu nous as mis dans la conversation, j'étais comme oh, je veux vraiment savoir si Camille est positive ou négative à propos de ce nouveau Pokémon Snap. Puis je me suis juste comme retenu à deux mains là. Ouais. Bon, ben, moi j'avais personne à qui en parler. Fait que c'est pour ça que j'étais comme non, je peux-tu venir au podcast en parler, comme ça je vais avoir des gens avec qui en parler. Tu seras jamais pas bien vu. Ouais, c'est ça. Puis je me disais, si tu voulais venir, c'est sûrement positif. Puis j'étais comme, à moins que ce soit super négatif. Mais, ouais, moi, je suis comme... On le dit-tu en même temps? ce qui arrive, c'est que j'ai joué comme deux fois. Je suis rendue à la jungle, dans le fond, là. Fait que je suis rendue à la deuxième île. Spoiler, il y a une jungle. Ouais. comme à la deuxième vraie grosse zone, genre. Fait que j'ai pas joué tant que ça. Ouais, je vois ça. Ouais. J'ai joué plus. Ok. Pas mal plus. Combien de plus, Camille? Je suis pas certaine, parce que j'essaie fort de ne pas me faire spoiler de trucs, mais je pense que j'ai découvert toutes les zones. Par contre, chaque zone a différents states. Je sais pas si Anne-Marie t'en a vu. Ben, j'ai déjà vu le jour puis la nuit, là. Fait que déjà, je pense que c'est pas un gros spoiler, là. Il y a le jour puis la nuit, puis c'est le fun. Ça puis ça change vraiment beaucoup. C'est pas les mêmes Pokémon, c'est pas les mêmes interactions. C'est très cool. Ouais. Fait qu'ils ont comme réutilisé la même map, avec les mêmes, genre, tu sais, le même décor, mais ils ont changé la lumière, puis ils ont changé les Pokémon de dedans. T'as-tu vu le générique? Non. De fin? Ok, fait que t'as pas encore fini, puis je pense qu'il y a du stock à faire après, là, fait qu'il doit t'en rester. Ah non, mais je sais qu'il me reste du stock. Ok. Entre autres parce que, tu sais, chaque zone, chaque state a des niveaux que tu peux monter. Puis, de ce que... Comme, moi, il y a certaines zones que j'ai montées au niveau 3, puis je pense qu'il y a un niveau 4. Puis, je pense... Ben, comme, je sais qu'à chaque niveau, les interactions changent aussi. Ouais, je pense qu'ils rajoutent des Pokémon. Fait que je sais que j'ai pas fini. Ils rajoutent des Pokémon, puis les interactions... Tu sais, comme... comment ils disent ça, là? C'est que quand ton niveau monte... les Pokémon, ils deviennent plus habitués à ta présence. Ah ouais. Fait qu'ils sont plus à l'aise. Fait qu'ils font plus de shit. Puis comme, c'est plus possible d'unlocker des affaires au fur et à mesure que tu montes de niveau. Mais il y a aussi des nouveaux Pokémon qui se rajoutent au fur et à mesure. Mais pas tant que ça. Puis tu peux toujours... Il y a toujours les Pokémon des niveaux précédents qui sont là. Mais t'sais, à chaque niveau, t'as comme un ou deux Pokémon de plus sur ta map, sur ton state. OK. Fait que ça fait des nice surprises, là, même si la map, t'as connais déjà. Puis ça, c'est comme un gros avantage par rapport au premier. Que le premier, tu sais, à un moment donné, hein, quand t'as fait la même map 5 fois, là, c'est comme... versus là, où est-ce que... Même si t'as déjà fait la map, t'as connais, tu sais son où, les raccourcis, les trucs, ben, tu peux quand même... tu peux quand même chercher du fun, puis encore avoir des affaires comme « Oh shit, il y a tel Pokémon que je tire. » Il a jamais fait cette face-là, ouais. Ouais. Parce que t'avais pas le niveau, ou même, tu sais, comme, tu sais, il y avait une map en particulier, il y a un Pokémon que j'aime beaucoup, il y avait une map en particulier où est-ce que j'étais juste comme « Shit, je suis sûre que ce Pokémon-là va être dans cette map-là. » Je l'avais vu dans une review, il y avait une review du jeu, puis il montrait des scènes, puis je l'avais vu, puis là, je suis comme pas mal sûr qu'il va être dans cette map-là, puis là, mon seul but, c'était de monter cette map-là pour voir ce Pokémon-là. Puis là, je l'ai vu. Cool. Puis là, je suis contente. 10 sur 10. Awesome. Ben, c'est ça, ouais, Narf, tu demandais... Ben, comme... Mon feeling global, moi, c'est généralement positif, là. Ouais. Ben, c'est parce que moi, ce que je me demandais surtout, c'est... Parce que, comme le premier, il était bien bon. Ben, à un moment donné, en 3-4 ouais. heures, t'avais fait le tour. Ouais. J'ai l'impression que ça ne réinvente pas la roue. Non. Mais c'est plus que 3-4 heures. Ben, ouais. C'est ça, là, t'as l'air d'avoir joué quand même pour la peine. T'sais, je sens dire que c'est Skyrim à 120 heures. Non. Mais ouais, c'est pas... C'est, OK, moi, ma review, c'est pas parfait. Comme, j'ai bien des idées d'amélioration que si je faisais mon Pokémon Snap. Il y a des affaires que j'aurais pas faites de même. Mais overall, il est le fun. C'est ça, la rejouabilité est vraiment bien. La seule affaire, comme moi, la principale affaire que je suis comme pas sûr, c'est à quel point est-ce que unlocker les trucs, comme les trucs, tu sais là, ok, tu sais dans le premier là, quand tu donnais des pommes à Charizard, puis là il avançait en quelque part, puis là il se passait quelque chose, Charmander, puis là tu donnais des pommes, puis là il se passait quelque chose, puis là il tombait dans lave, puis là il évoluait genre. Ouais. En tout cas, ou un de la gang, là. Un des Alex, trois qui va jouer. Dedans, je pense. Ben oui, mais tu sais, c'était... Un jeu non violent. Mais, en tout cas, dans mes souvenirs, tu fais la map une couple de fois, tu pitches bien des pommes, puis ça va arriver, genre. Oui. Dans New Pokémon Snap, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être comme... Okay. Moi, je suis pas une fan d'aller chercher les solutions sur Internet, mais je suis pas une fan de passer 4 heures à essayer de trouver une solution. Fait qu'à un moment donné, à un certain point, quand t'es comme, Chris, je sais, excusez, je suis sacré, Crème, je sais qu'il y a quelque chose là, je le sais, j'ai tout essayé, j'ai pitché un million de pommes, j'ai pitché un million de balles de lumière, j'ai pitché alternativement des pommes et des balles de lumière avec de la musique. Pis y a rien qui se passe, pis t'es comme what the fuck, genre je sais pas quoi faire d'autre. Puis tu t'en vas sur Internet, pis c'est comme la solution c'est de pitcher plus de pommes, tu sais. Ah ouais. T'es juste comme, okay. Pis j'ai pas particulièrement de visu, tu sais. Pis comme j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui demande un comme super pro gamer capable de comme viser, etc. Genre. Pis c'est comme je suis pas capable de unlocker certaines affaires parce que je pitch pas assez de pommes à l'endroit spécifique où est-ce qu'il faut que je lance les pommes pour unlocker l'affaire. Oh, pis ouais. Comme ça, c'est des affaires que je suis comme un peu frustrée, que j'ai l'impression que ça aurait été plus cool si à la majorité des affaires j'avais été capable de les unlocker par moi-même. Tu sais, après une coupe d'essai, genre. Il y a plusieurs choses que je deviens frustrée, je m'en vais voir sur Internet, puis que la solution, c'est juste « Ah, tu me niaises. Ok, genre, je vais recommencer la map 8 fois jusqu'à ce que je réussisse, tu sais. » Fait que... Cet aspect-là... Ouais, hein. J'avoue, j'ai pas rencontré ça encore, et... je suis pas assez loin, là. Mais c'est sûr que le... Les scores que le professeur il donne sur les photos, des fois, c'est genre « Hein? » Il y a des... je sais. Des fois, c'est discutable. Mais ça, il faut que tu comprennes. Oui. Mais il y a comme les pauses. À date, je comprends vraiment pas les pauses. Parce que, mettons, on parle de pitcher des pommes, là. J'arrête pas de me tromper entre le piton A puis le piton B, parce que ça m'arrive tout le temps, parce que je joue au PlayStation, puis aussi je joue à la Nintendo, puis je me trompe constamment. Fait que souvent, j'essaie de prendre une photo, puis finalement, je pitch une pomme direct d'en face du Pokémon, mais carré dans sa tronche, tu sais. Fait que j'ai souvent des... Je commence à avoir une belle collection de photos de Pokémon qui viennent de se manger une pomme en plein d'en face, puis qui font « mais genre, des fois, le professeur trouve que c'est une pose intéressante, puis des fois, il trouve que c'est une pose de marde. Puis je suis comme, mais c'est exactement la même face de « Ah, je viens de me faire garrocher une pomme dans la face! » C'est juste pas le même Pokémon. Genre, pourquoi est-ce que des fois c'est bien et des fois c'est pas bien? Genre. Ben, c'est peut-être justement qu'il veut... Ça dépend des Pokémon. Ouais. Il y a des Pokémon qui veulent voir souffrir, puis il y a des Pokémon qui veulent pas. Ben, c'est ça. Je trouve que les scores de pose, j'ai bien la misère à comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent. Tu parles le score, genre le boot pose? Ouais, le premier en haut, là. Ah, donc, galette. Les autres, ça va. Globalement, ça va, mettons-le. Moi, ce qui me fait chier, c'est que l'important, c'est pas que t'aies une belle photo. Non. L'important, c'est que ton Pokémon soit huge dans ta photo. Ah, je lag, hein? Ouais, tu viens de voir un petit spike. OK. Mais il faut qu'il soit au centre. Fermé. Je trouve ça drôle qu'il parle de composition photographique parce que, genre, la composition, c'est tellement pas dans ton sujet au centre. C'est tout sur ça. C'est centré, puis c'est gros dans l'écran. Puis, s'il y a d'autres Pokémon, pour faire les points des autres Pokémon, il faut pas qu'ils se overlappent. OK. Puis, c'est par grosseur aussi. Mais là, à un moment donné, crème, là, quand il y a deux Pokémon qui jouent ensemble, mais là, comme, tu sais, si tu veux les avoir gros, même pas overlappés, puis tout. Puis justement, des positions intéressantes, tu sais, c'est comme la loi des tiers, puis de l'overlap. Ouais, bon, c'est pis... ça. Puis non. Puis comme, mon chum, il a pas, tu sais, il a joué un peu au premier quand il était jeune. Puis là, il me regardait jouer à celui-là, puis là, il regardait les scores à un moment donné, puis il est comme... C'est de la bullshit qu'ils n'ont pas introduit la notion dans celui-là de la loi des tiers. Genre. Mm-hmm. Ça aurait été rien. Au lieu de calculer le centre de ta photo, tu sais, t'as comme tes tiers, puis tu calcules si les faces. Tu sais, c'est juste un petit comme, mais non, ouais, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué à expliquer aux joueurs, ça, justement. Ouais, peut-être aux kids, là. Ouais, parce que c'est ça, j'ai regardé le... C'est sûr que mes attentes sont pas particulièrement élevées parce que je regardais ton protagoniste, ton personnage, l'âge que lui a l'air d'avoir, puis ça t'indique un peu l'âge du public cible, tu sais. C'est-à-dire genre 10 ans. fait quoi? Ils ont pas compris que Pokémon Snap, ça, c'est celui-là, c'est pas pour les enfants. Ben oui, mais c'est Pokémon, ça va être pour les enfants pareil, là. Comme, genre, je pense qu'il faut juste qu'on admette qu'on n'est pas exactement le démographique pour lequel ils ont fait le jeu, là. Mais c'est clairement la démographie qui va acheter le jeu. Fait que comme, en même temps... Tu sais, les enfants, là, ils veulent plus jouer à Pokémon Snap, ils veulent jouer à Fortnite. Ils veulent se tirer dessus. Je sais pas, j'ai aucune idée. Jouer à Minecraft. J'ose espérer que les enfants aimeraient ça, Pokémon Snap, mais j'avoue que je sais pas. Mais je pense que c'est une erreur que Nintendo, traditionnellement, faisait pas souvent. Mais... faut penser que c'est pas grave de faire les jeux supposément trop difficiles quand c'est pour des affaires pas importantes comme la complétion 100% des points, des leaderboards. Comme les enfants vont jouer quand même à Pokémon Snap si le jeu est le fun, même si la gradation des photos est super compliquée parce que ça les dérangera pas nécessairement de pas avoir eu genre 98% parce qu'il a respecté ses tiers. Ça les dérangera pas. Donc, tu pourrais l'implémenter puis... ce que je disais, c'est que Nintendo, traditionnellement, n'ont pas jamais eu peur de faire ça. Ils n'avaient pas peur de rendre les jeux le contraire de stupide juste pour que les enfants comprennent. Je comprends pas comment, sans trop savoir lire l'anglais, j'étais capable de passer à travers Pokémon sur Game Boy. Je comprends pas comment je faisais ça. Mais j'étais capable. Ça m'arrêtait-tu? Non. Brute force. Le blob. Les gens, il y avait des randomizers qui jouaient à Pokémon puis qui passaient le jeu. En pesant sur des pitons random, pendant très longtemps, tu finis par c'est passer le jeu. Mais c'est ça, on s'entend que tu joues pas bien et que c'est super long, mais tu joues, t'as du fun, t'avances, t'as du temps, t'as des choses. Fait que C'est ça. Je pense bien qu'il aurait pu faire n'importe quoi de ce Peut-être. que vous parliez, que je connais pas d'ailleurs. Il aurait pu avoir un beau système pour la gradation des photos, puis ça aurait vraiment aliéné personne. Mais il est pas, c'est ça, il est pas le système, comme un coup que tu le comprends, ça marche bien là, comme faut que ce soit super centré, puis plus gros possible, puis il faut qu'il Mais te regarde. peut-être. Ben, c'était Peut-être comme que ça anciennement, puis probablement. J'ai pas beaucoup avec joué à les l'original. défauts qui viennent avec, là. Mais peut-être que c'est voulu, dans le fond. Ça se Parce que rachète là, pas avec un mode en ligne. hein? Il se J'ai pas rachète tendance pas à. avec un mode en ligne où tu peux te faire grader par les autres. Ben c'est ça, j'allais dire. Tu peux faire comme. Fait que toutes les Pokémon, toutes les poses, faut que tu les prennes deux fois. Une fois pour scorer beaucoup de points. Après ça, une autre fois pour faire une actually belle photo pour ta collection de belles photos pour toi. Mais tu peux Puis toujours comme fuck saver. you, professeur Oak. Tu peux toujours te saver tes photos dans ta collection de belles photos, là. Ouais, puis Chose que tu c'est. pouvais pas vraiment faire dans celui au Nintendo 64. T'avais le droit à juste une image par Pokémon. Ok, Je là, me non. souviens pas. T'as droit à une image par Pokémon que le professeur va scorer, mais à la fin, tu peux repasser à travers tout ton reel puis décider ce que tu gardes ou pas. J'ai l'impression que la banque de photos que tu peux garder a l'air vraiment limitée, par exemple. Ah, c'est 50. Je suis pas Ouais, c'est ça. certaine. Faudrait que je trouve comment exporter. Moi, je prends des screenshots avec la Switch, j'en prends plein depuis que j'ai ma Switch, puis j'ai aucune crise d'idée comment les exporter. Va falloir que je check ça, là. Je pense que tu peux juste comme remettre ta carte SD dans ton ordi puis aller les chercher, là. Ouais, moi c'est ça que je faisais. Ok. Fait que je pourrais faire ça pour ce que je veux vraiment garder. Mais oui, dans le fond, moi, j'ai pas le service Nintendo Online. Camille, tu l'as-tu? T'as-tu testé le online? Ok. Mais je n'avais pas testé. Non, ok, c'est ça. Fait que tu peux mettre tes photos en ligne sur ton profil, puis les gens peuvent mettre des likes qui s'appellent des sweets. Les gens vont mettre des Oh. sweets sur tes photos. Ouais. J'étais absolument pas intéressée. Non plus. Fait que J'aurais ça me dérange pas tant. dû regarder pour la Les science. populistes, j'imagine, c'est pas vraiment des connaisseurs qui vont grader les photos. Je ne sais pas. Pas du tout d'en face. J'aimerais aller voir pour la science Ce que le si la monde qualité. mette, ouais. Je vais y aller à la pause, puis je vais vous revenir après la Mais pause sur la qualité des photos qui sont bien ratées en ligne. Je c'est prends tellement de impossible qu'il n'y ait pas pauses. des délicieux memes pis des affaires Oh, weird. il y en a parce que j'en ai vu. Ça s'est Ah ouais? rendu sur Mastodon. Fait que si ça s'est rendu sur Mastodon, c'est que ça s'est rendu partout. Le monde de Mastodon sont vraiment woke. Mais non, Gab, on fait plus de pause. Fait que je sais pas quand Camille elle va y aller. Oh non! Mais c'est pas grave. Je vais vous Mais updater dans Discord. je serais curieuse de voir, genre, ouais, c'est quoi comme la hot page Ouais. de New Pokémon Snap, là. Yep. Mais oui, je veux savoir quelle méthode de jeu est-ce que tu utilises en handheld ou sur ta TV? OK, ça c'est un sujet que je voulais aborder, Mon que j'avais Dieu. oublié. Ça, je suis curieux en plus. OK. Controverse. Moi, je dis J'utilise sur que ma télé. c'est. OK. Ah, moi, je dis que les gens qui jouent pas en handheld, ils passent vraiment à côté de quelque chose. OK. J'ai essayé semi, mais de mon expérience limitée, là, j'ai fait une map de même, là. Comme ça marche bien verticalement, le motion sensing, mais je trouvais que l'opportunité était manquée de pouvoir voir tes photos sur un côté. C'est-tu parce que j'étais pas bien setée? Qu'est-ce que ça veut dire de voir tes photos sur le côté? De OK. prendre tes photos sur le côté? OK. Ce que j'aurais. OK. Pour que le jeu me mind blown, il aurait fallu que ce soit comme. Tu sais, le AR de iPad, là, où est-ce que tu peux comme voir un autre monde sur ton iPad quand tu bouges, là. Tu sais, que comme ton iPad devienne Faut une tester ça. fenêtre vers un autre monde. Ok, OK. je Ça sais pas. aurait été tellement, tellement cool. Si tu peux être sur une chaise, avoir ta Switch, puis tu peux prendre tes photos de tes Pokémon de même, puis que la Mais Switch streame. c'est comme ça que je le fais. Mais elle suit pas, je dirais qu'elle suit pas Ah, moi, ça one-to-one. marchait pas sur le côté. Pour vrai? Ben, c'est ça, là, je me demande si t'as quelque chose de mal seté, là. Moi, j'ai une Switch Lite. Dans le fond, moi, je n'ai pas l'option de jouer sur la TV partout, là. J'ai une Switch Lite, puis ben... je suis pas... je suis aussi quelqu'un qui est notoirement pourri avec les joysticks. Fait que ça, c'est vraiment un jeu d'utiliser deux joysticks pour pouvoir tout bouger et tout. Fait que pour moi, les motion controls, genre, ça me sauve la vie, là. Pour pouvoir faire des last minute ajustements, puis être sûr d'avoir mon Pokémon centré, puis tout, c'est sûr que je fais ces corrections-là avec ma Switch. Mais oui, pour vrai, là, je joue assis, là, puis à un moment donné... Ce qui arrive, c'est que c'est tout le temps au moment où ton Pokémon est plus proche puis plus gros, mais c'est quand t'es après le dépasser, fait qu'il passe à côté de toi, fait que je suis genre « Wow! » Je prends ma photo comme... C'est vraiment comme ça que je joue, ouais. Mais c'est okay, ça, je suis pas sûre que c'est one-to-one, là. T'sais, je suis pas sûre quand je me vire complètement que je suis vraiment rendue à 180 degrés dans le jeu. Mais je suis vraiment capable de suivre puis d'ajuster, puis c'est vraiment ça qui me permet d'avoir des photos centrées. Parce que je suis tout le temps en train de corriger un petit peu. Parce que c'est ça, je suis juste pas bonne dans l'espèce de motricité fine avec les joysticks, là. Fait que, tu sais, je vais faire des gros mouvements avec mes joysticks. Mais un coup, j'ai vraiment le Pokémon, là, je suis vraiment en train d'ajuster. Je le fais littéralement avec mes mains, là. Ouais. Puis c'est ça, beaucoup de fois, ça va être genre, oh non, j'ai appris à le dépasser. Ah, clic! Puis je prends comme un clic quasiment en arrière de ma tête, puis finalement, je l'ai, là. Ouais. Amazing. Oh non, les gens qui jouent pas, comme je regarde du monde streamer, puis je suis comme vous passez à côté de toute l'expérience. Là. Bonne pas bonne avec les joysticks, l'ajustement avec les motion controls, c'est ça qui fait que Zelda Breath of the Wild, puis Splatoon 2, puis Fortnite sur Switch, ça marchait bien. Splatoon, c'était malade. Tu finis ton ajustement avec tes mains pour vrai, là. Peut-être pas comme tout le mouvement juste avec tes mains, mais une combinaison des sticks pis des mains pour faire les ajustements fins, là. Ouais. C'est le plus proche d'une souris que tu vas avoir avec une manette. Tu dis ça, mais même les gens sur... Ah non, c'est pas sur PC, c'est avec la manette de Steam. Ah ouais? La manette de Steam, elle a du motion dedans. Puis comme les pros jouent avec la manette, avec le motion pour ajuster. C'est ça, parce que c'est juste... Thunder Strike, yeah, whatever. Là. Ah ouais, parce que t'es capable de faire des mouvements fins, là. C'est ça vrai que la manette Steam, avec les pads que tu glisses ton doigt, là. Peut-être ouais, ça, c'est tu peux faire un peu ce que la tu version veux, supérieure, là, de pouvoir glisser ton doigt dans un trackpad. Ouais. Ce qui peut ou pas être une bonne chose, mais ça, l'idée c'était que tu pouvais faire le grand mouvement avec le joystick ou avec le trackpad, puis après ça, finaliser ton mouvement avec un ajustement des poignets. C'est ça que je fais. Ça, je faisais un ou l'autre, fait que ça marchait pas bien. Non, ça me prend les deux parce que j'ai pas essayé, là. Je sais pas, j'étais trop lâche. Il faudrait que j'essaye à un moment donné de juste essayer de pas utiliser le joystick puis juste tourner sur moi-même constamment, là. Mais ça sonnait comme trop chiant. mais non, c'est ça que je fais. Tu sais, si je vois qu'il se passe vraiment quelque chose à droite, je prends les joysticks, je me sacre à droite, puis après ça, je regarde avec la Switch. Ouais. Peut-être que ça m'aiderait pour viser aussi, pour unlocker les affaires qu'il faut rentrer une chier de pomme dans le même trou, puis que je suis pas capable. Peut-être! Ouais! J'avoue, hein, parce que pour viser... En tout cas, à date, vu que je me trompe tout le temps de Python, je réussis vraiment très bien à viser, à crisser des pommes d'en face des Pokémon. Fait que ça veut dire qu'il était vraiment centré. Puis je voulais prendre ma photo qui était super centrée, puis finalement, j'ai garoché une pomme. Ouais. Fait que ouais, ça l'aiderait peut-être. T'as débloqué quels outils? Je sais pas si c'est un spoiler. J'en ai vu passer dans les reviews, là, mais non, à date, j'ai juste le scan puis les pommes. Ok. Ouais. Je suis pas encore rendue trop loin, là. Mais je sais qu'il y a de quoi avec la lumière qui s'en vient, là. Mais... Ouais. Mais... Ah ouais. Ouf. Mais ça, c'est qu'il faut que tu le débloques comme t'as des continents. Puis là, la lumière est pas pareille d'un continent à l'autre. Fait que, comme, à chaque continent, il faut que tu trouves comment unlocker la lumière. C'est intéressant, mais. C'est ça, comme j'ai dit, c'est peut-être que je suis juste trop poche, mais les puzzles sont juste un petit peu trop comme... Ils m'amènent toujours au point où je suis comme, mais là, tu me niaises, genre, ça marche pas, ça je suis pas capable. Passer. Puis là, je m'en vais sur Internet, puis là, Internet me dit comme, non, c'est exactement ce que tu faisais, mais mieux. Puis ça me donne envie de pitcher ma manette. Non, c'est pas la manette, c'est des pommes qu'il faut que tu pitches. T'as pas compris? C'est des Là, flop j'ai plus envie de fruits. pitcher des pommes après avoir lu ça. De bon, c'est bien que t'aies pas la Je Switch switch en dans le handheld. trou. Si t'as quelque chose à pitcher, c'est mieux que ce soit la manette. Ah. Excellent point. Mais c'est ça. C'est pas parfait, mais comme en l'achetant, genre, comme j'avais pas des attentes particulièrement hautes, je m'attendais Non. pas à ce que ça réinvente la roue. Je voulais juste me promener dans un safari de Pokémon puis prendre des photos. Puis, ben, c'est ça. C'est Ça ça. livre la marchandise. Là-dessus, ouais. Mais j'aime beaucoup les quatre grades de photos. Les photos 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Bon, comme, encore là, tu sais, il y a des Pokémon que tu prends en vol, que ça va être considéré comme un comportement tout à fait normal. Puis il y a des Pokémon que tu prends en vol, puis le professeur, il est comme « Cool, il est en vol! » C'est genre « Ok, I guess que c'est pas... » Mais tu sais, comme, Ouais. OK. c'est juste comme ça, là. C'est pas... I guess qu'il y a des Pokémon que c'est plus hot Précision. s'ils volent. Précision, les étoiles, c'est pas la qualité de la photo. Pour chaque Pokémon, il faut que tu prennes quatre photos différentes du Pokémon. Puis les contextes valent des étoiles. C'est ça, c'est Fait la qu'une... situation. Puis c'est comme la rareté de la situation. Fait qu'une photo une étoile, c'est le Pokémon qui chill. Fait une photo deux étoiles, ben, peut-être qu'il vole, peut-être qu'il est en train de dormir. Mais des fois, dormir, c'est une étoile. Des fois, Ouais. voler, c'est une étoile. Tu sais, comme, fait que c'est pas comme facile. Quand tu prends ta photo, tu t'es pas comme, ah, oh, ça, c'est un solide 3 étoiles. Puis même, Si c'est des pas, fois, ouais. le Pokémon, il fait une pause, puis là, il mange, puis là, tu prends une shitload de photos, puis à la fin, t'as des 2 puis des 3 étoiles. Puis t'es comme, OK, fait que, I guess que commencer à manger, c'était 2 étoiles, puis finir de la manger, c'était 3 étoiles. Tu sais, des trucs Ah, mais comme ça, c'est peut-être comme. que... Genre, peut-être que... Je sais pas si c'est un spoiler, parce que c'est de la première zone, là. Mais en tout cas, peut-être que le Pokémon fait une attaque spéciale pour cuire sa bouffe. Puis là, ça, tout d'un coup, c'est un comportement Peut-être. spécial, là. Ouais. Non, mais c'était C'est pas. très... Tu sais, vu que c'est un truc pour enfants, là, c'est très genre, prends le plus fucking de photos possible à chaque fois que tu vois de quoi différent, puis espère que ça donne quelque chose. Au début, je Si tu trouvais vois ça quelque chose que chiant... t'as pas vu, surtout, là. Ouais. Au début, je trouvais ça chiant parce que je me disais, ah, ben là, s'il y a genre au repos, en train de courir, en train de voler, puis en train de dormir, ben je vais essayer de pogner tous ces comportements-là pour chaque Pokémon, tu sais. Puis c'est tout des 1 étoile, puis ça sert à rien. Mais j'ai aussitôt que j'ai débloqué le système de genre de commission, ça, je trouvais ça cool, là, de... C'est ça, des commissions, je m'en rappelle plus. C'est comme des petites quests, là. Quelqu'un qui va dire, genre, hey, j'ai vu qu'il y avait ce Pokémon-là, tu peux-tu prendre une photo de lui qui dort? Fait que là, t'es comme, ah, ok, j'essaie de prendre une photo de lui qui dort, tu sais. Fait que là, faut t'essayer de pas, genre, scanner ou de pas faire quelque chose qui va le déranger. De pas lui garrocher une pomme d'en face, c'est une mauvaise idée. C'est ce qui fait suer par rapport à ça, par contre, c'est que si t'as pris cette photo-là avant qu'il te demande la photo, faut que tu Ah. reprennes la photo. Ouais, je suis sûre que, Ça ouais. m'est Parce arrivé que. plein de fois. Tout ça que t'as déjà pris, qu'on te foule pas. Puis c'est ça aussi, si tu disais, si tu t'empoignes qu'il y a des 2 puis des 3 étoiles, t'as le droit de soumettre une photo par Pokémon. Fait que tu vas être obligé de la reprendre. Genre, celle que tu soumettras pas, t'es obligé de la reprendre. Ouais. C'est très. C'est ça, c'est un jeu de Pokémon. Genre, tu vas refaire les mêmes courses plusieurs fois, tu vas reprendre les mêmes photos plusieurs fois. Tu vas espérer qu'à un moment donné, ça marche. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Ouais, comme. J'essaie tout le temps de prendre 3 millions de photos, surtout la première fois, là, quand je suis rentrée dans la jungle, là, genre, je tripais, là, j'étais comme, il y a plein d'affaires, il y a des choses à gauche, il y a des choses à droite, ah! Quoi, vous manquez pas de pellicule? Oui, on peut Ouais, manquer de t'as pellicule. 60 Parce photos. que c'était ça dans le premier jeu, au 64, Ouais. c'était ça tout le temps, je manquais de Ouais. pellicule, j'étais comme, ah, tabarnak! Mais aussi, c'est ça, soumettre une fois par Pokémon, mais ça fait que comme la première, tu sais, le premier coup quand je suis hype, puis que j'ai pris genre 4 photos du même Pokémon dans des situations différentes, ben je peux juste en soumettre une, là. Fait que, tu sais. Les autres vont falloir, j'y reprenne. Moi, je mets toujours l'étoile la plus haute de chaque Pokémon qui est nouvelle. Oui, ouais, moi aussi, parce que tu sais pas si ce comportement-là va revenir la prochaine fois, ou des fois tu sais même pas qu'est-ce qui l'a provoqué, là, comme des fois c'est random. Ouais, dans la première zone, là, la Madame Fleur, à un moment donné, j'ai pogné un comportement vraiment rare, puis j'étais comme, le professeur était genre, ah, c'est rare, j'étais comme, ok, cool. J'ai pas pantoute remarqué ce qu'elle faisait. Elle utilisait un skill, ou une attaque, je sais pas trop. Mais comme, pour le fun, là, tu sais, elle chillait dans son champ de fleurs, puis à un moment donné, elle a fait genre, wouh! Mais comme, je l'ai Ah jamais revu faire ça! oui, j'ai. Oui. Puis t'as une commission Puis de moi, ça je en l'avais plus. pas pogné. Je l'avais pas pogné en plus. J'ai la même chose. Mais j'ai pas l'impression que c'est random. Ah parce non? que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est comme... Ah ouais, si que c'est tu pas fais les random? mêmes mouvements puis que tu piches les pommes aux Ah, mêmes places, je suis pas mal sûre qu'ils font les mêmes affaires. Je pense que j'ai scanné. Je sais que quand ta scan a fait des tatas, plus je suis comme, les Pokémon font des tatas. C'est tellement bizarre des Pokémon anthropomorphiques, là. Comme, tu sais, là, c'est un safari, là. Fait que tous les Pokémon qui ressemblent à des animaux, c'est normal, là. Mais un qui est anthropomorphique, plus genre, tu fais du bruit puis elle fait juste des tatas, c'est genre, ah! On dirait que je dérange quelqu'un chez eux, là. On dirait que je suis pas en train de regarder un safari. C'est que c'est Parlant. Weird. Pose trop de questions, Anne-Marie. Je sais! Voyons, non. Mais c'est ça que j'aime de ce genre de tu sais. C'est genre, qu'est-ce que The Pokémon Company pense que l'habitat naturel des Pokémon sait, pis faut que ça reste politically correct, pis un truc pour enfants, pis tu sais, comme. Ouais, évidemment, j'aime ça, overthink, tout ça, là. C'est comme ton espèce de Pokédex de Pokémon, comme. Dans le campement, au début, il y a des Pokémon que j'ai toujours pas vus dans la nature, hein. Pis comme, je peux pas juste, comme, photographier le chien du professeur, ça marche pas, ça. Je m'écris ça dans mon Pokédex! Please! Ça s'en vient. Ouais, ok. Tu vas pouvoir. Ouais. Je l'ai pas. J'ai eu. Parce que moi, un de mes préférés, c'est Eevee, évidemment. Puis là, tu le vois dans ton home screen. Oui. T'es comme, pourquoi je peux pas prendre une photo de Eevee, genre. Tu sais, il est dans ma face. Il est dans le home base quarter, genre. Pourquoi je peux pas? Puis là, à un moment donné, ils font comme ta-da! Puis là, c'est cool. Puis là, t'es comme okay. Yes! Yay! Ok, inquiète-toi pas pour ça. Par contre, je suis triste qu'il n'y ait pas plus de Pokémon des originaux, des 150 premiers. Ouais, ben, apparemment qu'il y a plus de Pokémon en général que le monde s'attendait. Je sais pas combien il y en avait dans le premier Pokémon Snap, là, mais ça a l'air que dans celui-là, il y en a beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr qu'ils ont dû piger dans. 150. Ah ouais. C'est sûr qu'ils ont dû piger dans toutes les générations, comme pour faire plaisir à tous les joueurs core de toutes les générations. Ouais, c'est sûr. Je sais, mais moi, je les connais toutes pas à part les 150 premiers. En fait, il y a une affaire, par exemple, que j'ai entendue. Apparemment, que le dernier Sword and Shield, il y a presque pas de Pokémon de Sword and Shield dedans. Puis la rumeur, ça c'est IGN, là. Comme la rumeur, ça serait que Pokémon Snap est en développement avant. Pis comme il a été genre un peu comme mis de côté pour sortir Pokémon Sword and Shield, je sais pas si c'est à cause du COVID ou quoi là, mais comme finalement ça aurait été retardé. Puis là finalement, vu que ça a été suffisamment retardé, ils ont fait comme ah ben le Sword and Shield est sorti, faudrait peut-être mettre des Pokémon de celui-là parce que c'est celui qui est en vente en ce moment. Tu sais, fait que apparemment qu'il y en a pas beaucoup de cette génération-là parce qu'il était comme en développement en même temps. Ouais, mais moi je parle des premiers Pokémon. Toutes les autres, je m'en fous. Toutes les autres. Il y en a des cool pareils. Mais ouais, mais je comprends. Ouais, mais je sais pas son quoi, je sais pas à quoi ils servent, je sais pas c'est quoi leur backstory. Oh t'sais, my god, j'ai pas écouté les animés là, de la première zone là, la couronne de fleurs là, le Pokémon qui est une couronne de fleurs là. C'est comme... quoi sa face? C'est ça. Et sa face. Parce que t'as un bon score si le Pokémon regarde directement vers toi. Aucune maudite idée. Qu'est-ce qu'il est devant pis qu'est-ce qu'il est derrière sur cette couronne de fleurs-là, là. Je sais pas. C'est un rond avec des fleurs dessus! c'est tellement drôle! J'en ai pas un avec un bon score de direction, là. J'en ai aucun, là. Wow! Wow! C'est parfait. C'est impossible! C'est une trap! Ils font ça pour te faire suer, là. Y a pas de face! La première fois que j'ai eu Tangrowth, était de dos, puis je comprenais juste pas c'était quoi. Parce que c'était une butte. Genre de nuit. J'allais pogner une fois. De nuit, ouais. Le scan dit qu'il y a un Pokémon, je sais comme, il y a rien. What's up? Ceux qui savent pas, ça ressemble à un tas de lianes. Fait que de dos, de nuit, pas l'air de rien. Ouais, non, mais ça avait l'air de la jungle, là. Le reste de la jungle, puis le scan me disait non, mais il y a de quoi, là. Mais tu sais, quand le scan dit qu'il y a de quoi, là, il peut être en arrière du tronc d'arbre, là. Tu sais, le scan, il passe à travers les obstacles, là. Ouais. Comme dans la jungle, quand tu mets le scan, il y a des piquipèques partout. T'es pas capable de les voir parce qu'ils sont comme en dessous des fleurs puis en dessous des feuilles. Puis le but, c'est que genre, t'essaies de catch a glimpse of the piquipèque en dessous de la piquipèque. Piquipèque! C'est un pic! Oh, mais ça c'est malade. C'est un bon moment, là. Quand tu rentres dans la jungle, puis que t'entends le pic bois, là, t'entends. Puis le son, il est vraiment directionnel, là. J'étais vraiment capable de... Puis genre, j'ai une Switch Lite, là. C'est fucké, là. J'étais capable de dire « fuck, il est par là », puis le checker sur l'arbre, puis là, il y a un pic-bois. Après, faire sa job de pic-bois. Ouais, ça c'était cool. Les cris, j'aime ça, les cris. Puis c'est ça, tu te promènes, t'arrives dans un environnement, puis là, t'entends un cri fucké, puis t'es comme « ok, il y a quelque chose ici, là. Je sais pas c'est quoi. » Puis ça fait un bruit vraiment weird, mais il y a quelque chose. Puis là, tu pitches un million de pommes. Puis ça fait... And you wait. Ouais. Parce qu'il fallait que tu pitches 1,5 million de pommes. Ben oui. Mais moi, j'ai une question. J'avais cru comprendre, puis là, en regardant le trailer, puis là, vous en parlez, puis on dirait qu'il y a pas ce que je pensais. Puis ce qui est... ce qui serait dommage, fait que je vais vous poser la question directement. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que le professeur, tu sais, il vous dit, il y a plusieurs pauses, chaque Pokémon a plusieurs pauses puis actions, puis dans le premier jeu, ben, il fallait que tu trouves la pause qui donnait le plus de points, puis c'était la seule qui valait la peine de garder. Ma compréhension, là, en regardant le trailer, c'est que le professeur, il veut que tu collectionnes les pauses. Fait que s'il y a, mettons, quatre pauses, ben, il veut avoir les quatre, puis il y a quatre slots dans ton inventaire pour garder une de chaque. C'est ça qu'on parlait, les étoiles. Mais c'est qu'il y a plus qu'une pause, il y a plus qu'un comportement dans chaque étoile, par exemple. Ouais. C'est différents contextes puis différents comportements qui sont gradés, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, mais mettons le une étoile, il y a vraiment plein de comportements qui vont rentrer là-dedans. C'est plus comme la rareté du comportement, là. Mais par contre, il y a un score de pause que lui, je comprends fuck all, là. Je sais que ça peut être le timing par rapport au comportement, là. Je sais pas. Mais c'est pas clair, genre. Non, c'est zéro clair, comme... ça. Tu sais, tu te serais attendu. Des fois, j'allais, des fois, j'allais pas. Intuitif. Tu sais, mettons, tu peux avoir. T'sais, à un moment donné, il y en a un, genre, il ouvre grand la bouche, puis là, tu prends une photo, puis t'es comme, ça y est, genre, 4 étoiles right there. Puis là, c'est un 2 étoiles, puis là, plus tard, tu pognes un 2 étoiles qui est comme la même, tu sais, c'est le mouvement d'ouvrir la bouche, mais finalement, celui qui donne le plus de points, de pause, c'est la bouche moins ouverte, ou tu sais, comme... C'est le score de pause que je comprends pas. Ouais, les étoiles, je comprends, là. Mais le score de pause, c'est comme, mettons si manger ces deux étoiles, là. Mais il va avoir un moment précis où, genre, il y a la pomme dans gueule ou qu'il a pris une bouchée puis il s'est tassé. Comme, il y a un moment précis que le jeu considère qui donne plus de points. Mais c'est pas le moment évident, genre. Tu sais, c'est pas la belle pause que, t'sais, qui croque, c'est pas la belle pause que sa bouche est ouverte, genre, c'est juste arbitrairement. OK, ça m'étonnerait pas que ce soit juste, genre, l'animation dure 3 secondes. T'as le top de tes points à 1 seconde et demie, puis avant puis après ça, graduellement, tu perds tes points. Ou quelque chose de super random qui a rien à voir avec comme la beauté de la pause ou de non, je suis sûre que c'est ça. L'affaire, genre. Je suis sûre que c'est ça. Parce que j'ai pogné les deux Pokémon en train de jouer ensemble à un moment donné, puis j'ai pris une photo, puis genre, ils ont toutes l'air, toi, deux, super heureux. Ça, c'est les deux petits Pokémon qui jouent ensemble dans la première zone. Puis je l'ai présenté au professeur, puis il a fait « Ah, c'est vraiment un comportement vraiment très cool, mais c'est plate que t'as eu un mauvais timing. » Puis il m'a donné, genre, 250 points pour la pause. Je suis genre « What? » Tu sais, les points de base, c'est 500, genre, le score de base pour la pause. Puis là, j'avais eu moins. Puis j'étais comme « Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? » Puis c'est ça. Des fois, j'ai eu un 800 points, 900 points pour la pause. Puis j'étais comme « J'ai aucune idée. » Aucune idée. Ouais, c'est le score qui m'achale le plus. Parce que les autres... Le background, c'est pas évident, là. J'avoue que... Parce que t'es pas supposé d'avoir tant de background, parce que le Pokémon est supposé prendre le plus de parce place possible. Parce qu'il faut qu'il soit gros, c'est ça. Mais je pense que c'est plus des contextes, je pense. J'ai pas élucidé trop le mystère, mais je pense que c'est plus des contextes. T'sais, on parlait de lumière, mais comme si t'arrives à allumer quelque chose, si t'as des skills arriver à fucking pitcher la balle à la bonne place pour allumer l'affaire, ben comme si t'étais pas moi... Là, t'aurais le background illuminé, puis là, tu pourrais prendre ta photo puis avoir plus de points de background. Mais quand t'es moi, tu fais juste give up. Ouais, c'est vrai, je pense qu'à un moment donné, j'ai une fleur dans la photo, puis ça a fait genre « Ah, des points de background! » J'étais comme « La fleur est vraiment à l'avant-plan, puis le Pokémon est à... » Fait qu'on peut pas dire que c'est background. En tout cas, c'est pas grave. Il y a eu des points de foreground, ça se peut. C'est ça! Le décor. Ouais. En fait, c'est pas super intéressant d'élucider ces affaires-là, finalement. C'est très machinal, puis ça stimule pas tellement l'intelligence. Ben, c'est plus des skills que de l'intelligence. Ouais, je pense que ça stimule pas, genre... Tu sais, si tu veux vraiment faire de la photographie dans la vie, là. Ça stimule pas ça. Ouais, bon, je pense pas que personne pensait que ça irait à ce niveau-là, mais ça aurait été le fun d'avoir un échantillon de ce sentiment-là, ouais. Peut-être. Ouais, c'est plus être capable de viser, puis être capable de résoudre les puzzles, puis des trucs comme ça, mais ça, même à ça, les puzzles, à moins que je sois vraiment plus niaiseuse que je pensais, mais les puzzles, c'est pas tant, tu sais, la logique de... Ah, j'ai encore lagué. Non, c'est correct. C'est pas tant un puzzle plutôt que tout essayer les options possibles jusqu'à ce qu'il fasse de quoi de funny. C'est un jeu point and click, là. Ouais, un peu. Là. Non, c'est des skills. Faut que t'arrives à pitcher ouais, à bonne mais place. En plus, t'as besoin d'avoir les skills. Fait que si tu manques ton coup. Il y a des skills butter. Sur le timing puis la vitesse aussi. Puis être capable de. Tu sais, on parlait des joysticks, là. Comme c'est pour ça, ça me sauve la vie de pouvoir bouger parce que. Des fois, c'est pas long le temps qu'il fasse le comportement, là. Mettons le Pokémon qui cuit sa bouffe, là. Comme ça dure pas si longtemps que ça. Puis si tu veux avoir comme un bon angle, puis tout, comme. Puis ça arrive, c'est ça l'affaire, c'est qu'il est tellement proche de la traque que ça arrive au moment où tu passes devant. Fait qu'il faut immédiatement que tu tournes à 180 degrés pour prendre ta photo le plus vite possible, tu sais. Fait que, ouais, c'est des skills de bien viser. Parce que là, comme, vu qu'il a fait un comportement de fou, puis tout, comme. Là, tu veux qu'il soit centré, tu veux qu'il soit zoomé, tu veux qu'il soit parfait, tu sais, parce que t'es comme, je veux pas avoir à reprendre cette petite photo-là. Okay, il y a un peu de dommage. Tu parles de, tu sais, le timing pis tout, là. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'interaction. Genre, c'est difficile de découvrir, tu sais, sans les hints, des trucs comme ça. Tu sais, mettons, dans le premier, ce qui était cool, c'est t'amènes le Pokémon là, pis là, il va se battre avec l'autre Pokémon, pis là, ça te fait une nice photo, genre. Ah, ok, j'ai pas joué assez pour voir ça. Mais j'ai. Dans le premier, c'était ça. Il y a quelqu'un dans une review qui a dit qu'on dérangeait un peu moins l'écosystème. Fait que je sais pas si c'était ça qu'il voulait dire. Ben, j'avoue, dans l'autre, tu pitchais des Pokémon dans l'autre. Ah, c'est ça. Quelqu'un dans une review qui a dit que c'était plus respectueux de l'écosystème. Je pense qu'ils ont enlevé l'item qui s'appelait les Pester Balls. Oui. Ouais. Ouais, parce que probablement, ça aurait été vu un petit peu trop négativement aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça, de crisser du gaz puant, là, ouais. Ils veulent pas encourager, mettons, les enfants à aller écœurer les animaux dans le bois, là. Ouais, mais t'as quand même le scan, là, qui en dérange. Ouais. Le scan, il dérange. Le scan, soit il dérange, soit il... Tu sais, comme je disais, Florga, ça m'a fait un tata parce que j'ai fait un scan, comme ouais. c'est L'idée, c'est que ouais, juste que tu l'essayes. Puis... Ouais, les oiseaux, oh. Ils partaient en volant. Okay. Vous avez appris les noms. Ben oui. Ah, oh, mais c'est sûr, j'apprends. J'y connais déjà, là, comme. Pas toutes, là, mais. Moi, je pense pas avoir appris un nom. Toutes les Pokémon qui sont pas les 150 premiers Pokémon, je sais pas c'est quoi leur nom. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, genre, notre démographique est pas le démographique qu'ils cherchent. Fait que c'est pour ça que c'est pas les anciens Pokémon. Comme. Je sais que c'est sad, là, mais le démographique, c'est les kids. Il y en a pas beaucoup, là, des anciens Pokémon, là. Ah non, guys, c'est pas compliqué. C'est qu'ils vont sortir en DLC payant, puis vous êtes les vieux riches qui avaient assez d'argent pour les acheter. Je me demande s'ils vont avoir du DLC, je sais pas, je pense pas qu'ils en ont parlé. Je pense pas. Ouais. Mais Nintendo, il y a peut-être ses jeux pour le fun, des fois, là. Ouais, on a eu un DLC que j'ai pas encore vérifié pour Super Mario Party qui était relativement décevant, puis on s'est dit, ah, mais ils vont peut-être l'améliorer avec un DLC. Deux ans plus tard! Oui, il est sorti il y a minimum 2 ans. Là. C'est weird. Là. 2 ans plus tard, ils sont comme, ah ouais, ça vous tenterait de jouer en ligne, hein? Go! 1 an après le début de la pandémie, là, comme s'il aurait sorti ça l'année passée, tout le monde aurait fait, ouais, Super Mario Party! Là. C'est si étrange comme décision, là. Ben, c'est il était occupé avec Mario 35, j'imagine. Peut-être. Moi, j'attends encore un update majeur de Animal Crossing. Qu'ils ont rien fait dans Animal Crossing. Ça a été le jeu le plus populaire. Il y a tellement de monde qui l'ont acheté. Ils ont fait tellement d'argent avec. C'est insultant à quel point ils font juste rajouter 2-3 meubles à tous les 3 mois. Ouais, c'est ça. Ils sont comme, voilà, il y a eu des meubles et du linge, là. Ouais. Indeed. Mais Nintendo, on dirait qu'ils n'ont pas tout le temps un plan d'updater leur jeu. Puis qu'ils vont with the flow. Mais c'est pour Animal Crossing, ils avaient dit Comme, tu sais, quand c'est devenu super populaire, il était comme, merci guys, by the way, il va avoir 3 ans de constant update sur Animal Crossing. Ah, ouais, il avait dit, tout le monde était hype, là. Il doit vouloir dire les coupes de meubles de plus, là. Ça doit être ça. Ouais, mais là, ouais, tout le monde est triste. Puis je sais pas à quel point c'est facile de patcher un jeu qui est sur cassette. Parce que là, faut que tu... Ben, c'est pas comme un jeu PC même. Que genre... Ouais, oh, ouais, non, mais je sais bien, mais... Non, il y a des updates pareils, là. Oui, oh, je sais qu'il y a des updates, mais c'est peut-être... Tu sais, un jeu PC, c'est facile de faire un update qui change tout, parce que tu pourrais littéralement redownloader un jeu au complet, puis il enlève les fichiers qui n'ont plus rapport, puis il update tous les nouveaux fichiers, puis voilà, il rajoute les nouveaux fichiers, et voilà, t'as updaté ton jeu. Mais sur cassette, c'est comme, ben, les anciens fichiers, tu peux pas les enlever, parce qu'ils sont sur la cassette, puis ils sont gravés là, fait que... La cassette, ça devient juste une clé pour ouvrir tous les nouveaux fichiers que finalement t'as le jeu au complet dans ta console. Puis elle ouais, ben, je pense que c'est ça. Fait que là, faut, pour chaque fichier, c'est comme genre, s'il y a une nouvelle version du fichier, prends le nouveau, sinon on va checker sa cassette. Mais là, c'est comme, peut-être que c'est super, ben je sais pas là, mais je pourrais m'imaginer que c'est compliqué à faire. I don't know. Faire des updates, des fois, c'est pas facile comme on pense. Non, puis un autre point que je voulais amener tantôt, je sais plus trop qu'est-ce que Blob il disait, mais ça peut avoir rapport avec le DLC aussi, c'est que c'est Bandai Namco qui fait Pokémon Snap aussi, là. Fait que c'est pas Nintendo pis c'est pas de Pokémon Company, fait que genre ça peut être différent, là, ouais. Oh, what? Ouais. Ben c'est eux autres qui ont fait Pokémon Tournament, ce qui est un peu drôle qu'après Pokémon Tournament, ils ont eu le contrat de Pokémon Snap, mais... Ouais. Bandai Namco, on n'y pense pas tout le temps, là, mais ils ont eu des gros contrats avec Nintendo dans les dernières années, puis c'était à peu près tous des succès, à ce que je sache. Fait que c'est... ils ont donné un coup de main assez intense sur les deux derniers jeux de Smash. Puis, comme je suis pas mal sûr qu'il se passe des affaires pas nécessairement trop divulguées, mais pas non plus secrètes, là, c'est juste pas publicisé. Puis qui donne des coups de main sur un paquet de petits trucs. Là. Dernière déception de Pokémon Snap. Encore? Je suis allée checker sur Internet. Non, mais, tu sais, overall, il y a le fun. Comme si, pour les gens qui ont aimé le premier, tu sais, le deuxième est pas décevant. Ah, mais comme... qui veulent juste plus de ça, là. Quelque chose qui réinvente pas la roue, puis... ouais. C'est ça, mes attentes étaient pas élevées, parce que je suis sûre que l'ancien est pas mal pire que dans mes... tu sais, comme que de ce que je me souviens. Fait que je m'attends à ce que le nouveau soit, tu sais, un petit peu mieux que le pire que ce que je me souviens. Fait que mes attentes étaient pas élevées. Mais pis ça, c'est quelque chose qu'il y avait dans l'ancien, qu'il y a pas dans le nouveau. Puis j'ai vérifié sur Internet, je m'excuse pour le mini-spoiler, mais c'est quelque chose qu'il y a pas, fait que c'est pas vraiment un spoiler. Mais il y a pas d'évolution de Pokémon. Ah, pas vrai. Il n'y a pas de code de Pokémon qui évolue. Mais tu vois, puis... ça, je savais pas que c'était dans le premier, fait que j'aurais pas eu la déception, là, mais... T'as pas essayé de pitcher des Pokémon dans l'arbre, de mec? Il n'y a pas de lave encore. Puis c'est dur de pitcher, parce que tu peux pas... T'es dans un pomme. En leur bombardant de pommes. Ah ouais, il y a ça. Pour qu'ils fassent recul, recul, plouc! Ils reculent pas quand tu leur pitches des pommes dans ça. Non, ils font juste une face. Et des fois, ça dépend lesquels. Ça, mon chum a été déçu quand il me regardait jouer parce qu'il était comme, c'est bien poche, je dis, c'est même pas tous les Pokémon qui ont des animations pour toutes les affaires. Tu sais, comme, il aurait pu au moins le faire blinker des yeux ou quelque chose, genre, ouais. Tu vois qu'il y a certains Pokémon qui ont juste pas été programmés pour certaines interactions. Pis c'est juste comme, tu pitches une pomme à celui-là. Too bad. Puis c'est pas la grosseur du Pokémon. Au début, j'étais comme, ah, c'est peut-être parce que c'est un gros Pokémon versus des petits ou quelque chose. Mais des fois, il y a des huge Pokémon sur leur pitch, puis ils sont comme, ah non. Puis des fois, t'as un Pokémon comme relativement petit, tu pitch, puis c'est juste comme stone cold. Ta pomme est pas dans la même réalité que moi, genre. Fait que c'est, ça fait un peu weird, genre. Ça fait un peu comme, tu deals avec des robots, puis les robots, ils ont certains programmes, puis d'autres les ont pas. Faut juste que tu trouves c'est quel robot qui a quel programme, puis t'actives les bons programmes pour prendre les photos. T'sais. Mais Pour vrai, là, tu dis ça, puis tantôt, tu parlais de genre bien visé, puis là, je me demande si l'animation est pas là, mais t'as pas assez visé assez au centre de sa face, or something, là. Non! Peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, ça serait Oh! fucking terrible, Anne-Marie là. dit ça en tant que spécialiste là, qui 360 no scope les Pokémon avec des pommes. Ça serait the worst. Je serais tellement pas tant surprise, là. Non, mais Ouais. c'est ça. Ah, oh, man, je suis Et si, doomed. si tu me. J'arriverai jamais à unlocker tous les niveaux. Mais, ouais, je sais pas si c'est un spoiler. Ben, j'ai eu l'impression que t'as pas besoin de compléter le Photodex avec quatre photos de absolument chaque Pokémon dans l'existence pour finir le jeu, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment plus comme un truc de completionniste si ça tente de pour la rejouabilité et tout, là. Ok, autre affaire que j'ai pas compris, comment les points pour unlocker tes niveaux fonctionnent? Parce que c'est pas les points que tu fais avec tes photos. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Ah, c'est Des pas. fois, Attends, je c'est peux. pas les points que tu fais avec tes photos. Je pensais que c'était ça. Des fois, je peux faire genre 8000 points avec mes photos, puis je suis comme, yes, genre, il me restait juste 5000 points pour monter d'un niveau. Puis tu le vois, là, tu sais, imagine tour Pokémon, photo de malade à 4000 points, puis là, t'es comme, boum, je vais être au prochain niveau. Puis là, t'arrives, puis il te donne 1300 points pour ton niveau. T'es comme, shit! Ça se pourrait-tu que ce soit comme l'incrément de si t'avais déjà une photo à 4000 points de ce Non, je Pokémon-là? parle. Non, je parle. Puis là, t'as Je fait une parle photo à d'une. 8000, puis là, c'est comme la différence, genre. Non? Ça se peut. Mais il y a aussi le fait que, imagine qu'il y a certains Pokémon qui sont dans plus qu'un niveau, genre. Fait que là, est-ce que tu fais les points sur ce Pokémon-là dans plus qu'un tableau? Fait que Ouais. là, est-ce que tu fais les points sur le, si tu fais les points sur le Pokémon dans le tableau X, t'arrives dans le tableau Y, si t'as déjà tout unlocké les passes dans le tableau X, est-ce que ça t'empêche pour toujours de réussir le tableau Y, genre? Non, ça devrait J'ai pas, hein, comme quand l'impression que c'est indépendant, comme je sais pas, mais comme même. c'est un mystère complet, comment est-ce que les points sont calculés pour monter ton niveau de map. Ouais, j'avoue, j'ai aucune idée. J'ai tout le temps Si l'impression tu... que la première shot, ça m'en donnait full, puis qu'après ça m'en donnait moins, genre. Mais, ouais. Ben... Je peux. Ok, je vais checker. Mais ouais, c'est peut-être première pause te donne 100% des points, deuxième pause te donne 50% des points. Est-ce que c'est Ouais. vraiment dérangeant pour la progression normale, tout ça, ou c'est parce que Ben vous c'est... aimez jouer avec beaucoup de points, comme probablement énormément de joueurs après ça, là? Non, Ben c'est c'est que plus t'as parce pas que le tu tu sais pas quand est-ce que tu vas leveler ta zone. C'est plus ça, je pense. choix. Ouais, ok. Je sais pas, Puis... ça te prend combien de shots, là. Ben, puis, c'est comme important que tu arrives à leveler ta zone parce qu'il y a certains Pokémon qui sont juste accessibles en montant ta zone de niveau. Fait que si tu veux toutes les pognées, si tu veux voir tout le contenu, t'as comme pas le choix de upper le niveau de ta zone, de toutes tes zones. Puis comme moi, j'ai des trois, niveau 3, puis il y a encore, tu sais, comme apparemment, il y a l'air d'avoir quelque chose passé le niveau 3. Fait Tu que dois je sais pas s'il ramasser y a encore de 4, l'XP, hein? 5 niveaux. Ouais, tu peux encore ramasser l'XP au niveau 3. Fait que j'imagine qu'il y a quelque chose après. C'est frustrant parce que rendu au niveau 3, je suis un peu bloqué là. À chaque niveau, je fais une coupe de 100 points, puis il me faut 75 000 points pour débloquer le prochain niveau. Fait que je sais pas comment je vais faire ça. Est-ce J'avoue. que il y a des zones secrètes comme dans le 1? Comme Je des sais pas. trucs pour aller sur des chemins alternatifs. Oh shit, pour vrai? Ça, j'ai pas vu ça Dans le encore. 1, il y avait ça, c'était Shit! ça qui était cool. C'était comme Mais c'est ça. pas tant des secrets, mais c'est Spectacle. quand tu scannes des trucs, tu peux les prendre en photo. Tu peux scanner des trucs comme élucider des mystères. Puis une fois que le mystère est élucidé, ben à certaines places, puis là, ça prend des skills encore, ça prend des réflexes. Parce qu'à certaines places, là, tu vas avoir une petite alerte genre scanne-le, puis là, si t'arrives à scanner là, vite, vite, puis débloquer ça, mais ben, tu peux changer ton course. Mais il y a certaines places que je suis pas capable d'accéder parce que je suis pas assez vite, puis que j'ai pas assez de skills non plus. Ben là, pratique ça, là. Tu vas aller dans ces zones-là, puis tu vas aller chercher plein de points. Ouais, ce qu'il faudrait que je fasse, là, tu le sais que le raccourci est par là, fait que genre, tu sais, arranger ma caméra dès le début de la map, de pas bouger ma caméra, puis quand le truc arrive, là, j'ai un smash button jusqu'à ce que... Ou essaye-les avec les motion controls, mais c'est ça, si ta Switch les pognait pas, il y a peut-être quelque chose dans la calibration de tes motion controls. Ben, c'est peut-être comme... Il y a peut-être... Tu sais, 50% de ça, je l'ai essayé avec la... avec juste le motion control de la manette. Parce que tu peux enabler, disabler le motion control dans okay, les oui. Puis là, j'ai checké juste avec la manette. C'est peut-être ça. Ouais. Je sais pas, parce mais que c'est sûr que la TV, elle va rester devant toi, là, fait que tu peux pas tourner sur toi-même, là. Ouais. Non, mais ben, c'est parce que j'essayais quand même comme ça, tu sais. Ah, OK. Tu sais, je peux bouger mon corps sans bouger ma tête. Ouais, ça marchait. Ouais, mais c'est ça sonne comme le genre de choses que Nintendo aurait désablé en se disant genre comme non, si tu veux les mouvements rotatifs, il faut que tu joues Mais pourtant les mouvements verticaux marchaient parfaitement. Les mouvements verticaux, tu peux les faire devant ta TV, mais les mouvements horizontaux de rotation, ben comme ça. Pour bien jouer, il faut que la manette soit dans ton dos, tu vas accrocher des affaires. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, il y a une limite, hein? Comme tu peux pas faire un 180. Ben, je suis très flexible. Mais ça, c'est qu'on a une huge télé chez nous, puis j'ai pas envie de jouer sur mon petit écran pendant que je peux jouer. C'est vraiment beau, là. C'est magnifique sur une très, très grosse télé. Puis quand j'essaie de pas penser à ce que je manque, là. Parce que j'ai juste la light, puis que c'était un choix, genre, dans mon budget. Mais, Est-ce que tu veux une lentille de Fresnel qui se clip par-dessus? Faut juste agrandir. Ouais. Quand on a... Ça va être dégueulasse. Puis, c'est immersif, tu sais. Ouais, fait comme, l'idée de regarder mes Pokémon dans un écran grand comme ça, c'est juste comme... Mais je pense que je vais essayer parce que je pense que s'il y avait le... Ben, ça t'aiderait peut-être à passer une couple de level, comme si vraiment la question c'est de faire un 180 vraiment vite, là. Ouais. Savez-vous c'est quoi le next niveau après ça? Le faire en VR. Ouais, c'est clair, là. Ça serait malade. J'y réussirais tout. J'y réussirais tout le temps. T'es en mouvement dans un véhicule. Le truc qui te donne mal au cœur. Mais il est on rails. Non, j'aurais... Justement, tu contrôles même pas ton déplacement. C'est encore... C'est full slow. C'est full slow. Non, c'est contractuel. T'as juste à imaginer que c'est le paysage qui bouge. C'est le pire blob, le pire c'est que j'ai essayé. Ah, pour vrai. J'ai déjà essayé. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai joué à un jeu que j'ai oublié le nom. Mais c'était pas un jeu, c'était comme un petit film. Ah, c'était The Witch, The Bakery, The... Ah! J'ai oublié le nom. C'était magnifique. Puis dedans, c'est un petit film. Puis dedans, c'est comme toutes les affaires sont stables. Puis une fois de temps en temps, t'as une transition. Les transitions sont rapides pour pas te donner mal au... Tu sais, comme c'est juste comme... C'est stable, puis là, à un moment donné, c'est comme... Fouf, on a changé. Puis juste ça, là, c'était assez pour... comme je l'ai fini, puis j'étais comme à mon chien, j'étais comme... Tabarouette! Ça fait 4 ans que je fais du VR. Tout le monde dit, ah, t'as juste à persévérer, puis tu vas développer tes VR legs, puis t'auras plus mal au cœur, puis... J'ai juste cursed. Oui, je sais pas à quel point... Tu peux développer tes VR legs quand tous les jeux sont développés par des gens différents qui font leur transition différemment avec des mouvements différents comme tu sais je suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de standardisation. Mais c'est qu'apparemment, c'est possible de juste s'habituer. Puis je me suis un peu habituée dans le sens où il y a certaines affaires que avant je jouais comme 5 minutes, j'avais mal au cœur. Maintenant, je peux jouer comme 1 heure. Puis j'ai juste mal au cœur. Mais c'est ça, pour moi, t'es peut-être habitué à genre ce jeu-là. Mais à chaque jeu, c'est peut-être une nouvelle affaire à refaire. Là. Je sais pas. Ouais. Parce que le mouvement, c'est jamais pareil dans un jeu. Ouais. Mais, tu sais, comme c'est ça, Blob, il dit, comme essayer d'imaginer que c'est le reste des affaires qui bougent. Tu sais, c'est un conseil niaiseux. Mais... Non, mais c'est pas niaiseux parce qu'il y a certains jeux dans lesquels tu sais, tu peux zoomer in, zoomer out, puis comme c'est un peu ça dans le fond, c'est comme toi, tu sais, c'est pas toi qui bouge, c'est le monde autour de toi qui s'adapte, genre qui zoom in, zoom out. J'ai vraiment essayé de me conditionner, puis ça non plus. Ah ben ça file comme le genre de conseil du genre ah oh, t'as une dépression mais prends des marches. Fais de l'exercice. Pense positivement. Oui c'est ça. Non, mais c'est pas comme si ça va pas aider zéro, là, mais clairement, comme ça remplacera pas un vrai traitement. Yep. Good. All right, on essaie de clencher. Je pensais que c'était niaiseux comme ça. On essaie de clencher un autre sujet au podcast aujourd'hui. Ouais! Avec quoi qu'on y aille? Si on essaye ça, mais est-ce qu'on en a? Anne-Marie a joué à Universal Paperclip. Oui, je l'ai terminé hier. Je vois. En retard, ça se termine? Oui. OK. C'est un jeu avec une fin. Ben, c'est un ça jeu aurait avec pas été mon Game of the Year, sinon. En 2017. Vous pouvez me spoiler, j'ai pas l'intention. Encore aussi bon. Ah, je sais pas si je veux le spoiler pour les auditeurs, par exemple, mais... Mais c'est... Non, c'était bien, c'était... je suis pas sûre que c'est Game of the Year material, mais c'était une belle ride. Ouais, c'était... Non, mais je veux dire pour moi, Narf, je te jure, je sais pas. Oui, oui, non, mais je sais bien. Mais c'est surtout que, genre, vu notre conversation d'hier... On a tellement pas interprété la fin de la même façon, là. Ça, c'est vraiment cool, quand même. Ben, c'est pas tant de l'inter... Ben, on a... Il y a une petite nuance, là, que, ouais. Qu'on était plus ou moins... Mais tu sais, même moi, je disais ça, puis j'étais comme, c'est pas grave, là. Mais c'est surtout que, genre, comprendre la fin, tu sais, comme tu me disais, genre, que tu savais pas c'était quoi les points noirs qui t'attaquent. Ouais, non, tu vois ça, j'avais pas vu ça comme là, ça. Là, j'étais comme, ah, oh, ben là, c'est comme le bout qui fait que c'est cool, en fait. Non, je suis très contente que tu me l'aies dit. Non, j'avais pas... ouais, c'est un point que j'avais pas compris. Fait qu'en tout cas, pour les auditeurs, si vous jouez pis que vous êtes pas sûr de la fin, venez nous en jaser. Ou mais, aller lire un article sur le sujet. Sinon, qu'est-ce que c'est Universal Paperclips? Ben, ça fait quand même longtemps qu'on en a parlé. Mais non, j'en ai parlé au podcast il y a trois semaines. Non, mais on s'en rappelle pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Il me semble que t'avais pas expliqué qu'est-ce qu'on fait. Là. Je crois bien qu'on fait des trombones. Ben, on va l'expliquer pour Camille, là, parce que comme elle sait pas, elle... Je l'ai déduit par vos discussions, mais... On pourrait avoir des centaines de nouveaux auditeurs à toutes les semaines qui sauront pas c'est quoi. C'est vrai. On pourrait. Dans 5 ans... C'est pas impossible. Dans 5 ans, quand vous allez être des vedettes, là, les gens vont écouter les vintage versions du podcast. Pour savoir c'est quoi Universal Paperclip. Un jeu gratuit qui se finit en genre 8 heures. Ça m'a pris, ça m'a pris 7 heures, presque 7 heures pour le terminer. Puis il y a vraiment eu un long moment où j'ai l'impression que j'ai vraiment attendu. Comme c'est ça que t'expliquais beaucoup, Narf, c'est que contrairement à beaucoup d'idle games, tu peux rester quand même activement en train de regarder ce qui se passe, puis en train de faire des décisions, puis de cliquer sur des pitons, puis tout. Mais il y a comme eu un moment où j'ai juste vraiment dû le laisser aller tout seul pendant genre... Il y a un peu, ouais, il y en a un peu, mais c'est comme... Mais je sais fait que mon pas une 20 minutes, une heure, là. Ouais, c'est un... Ben, c'est ça, c'est qu'il y a une progression, c'est un idle game. C'est ce qui est le fun, parce que moi, je suis vraiment pas tant fan de idle game, là. Le jeu, il se laisse jouer pas mal tout seul. Tu sais, c'est un idle game, puis les chiffres, ils montent, puis tu sais, tu fais des trucs automatisés. Mais t'as tout le temps des trucs à venir ajouter, acheter plus de trucs pour te permettre de faire plus de trucs. Puis il y a plein de mécaniques qui s'ajoutent. Y a souvent, comme surtout dans la première phase, là, il y a des petites boîtes qui s'ajoutent de plus. Fait que, là, un système par-dessus ton système. Tu sais, au début, comme tu fais juste... Comme les Kitten Game? Oui. C'est quoi dans ça? Genre, ouais. Hey, c'est vieux ça! Hey, mon dieu, qu'on avait été accro à Kitten's Game! Mais Kitten's Game, ça devenait Civ! Ouais. Oh oui, vous m'avez déjà parlé de ça! Kitten's Game! Oh my god, je l'avais oublié celle-là! Je suis pas sûr que c'est ça. Ça devenait fucking Civ en termes de complexité! Puis à un moment donné, c'était ça le problème, c'est que. Ben, tu vois, Universal Paperclip ont la bonne réaction, c'est qu'à un moment donné, il y en a trop, puis là, ils t'en enlèvent. Oui, mais il y a comme, si je comprends bien, le jeu est comme en trois actes. Oui. C'est ça, comme, il te rajoute des mécaniques, puis à un moment donné, il est comme, OK, là, genre, on change complètement de scale, puis c'est ça, il wipe tout ce que t'avais. Il y a certains modules qui restent, mais majoritairement, il wipe pas mal tout ce que t'avais, puis on recommence avec un autre concept, avec un nouveau scale. Fait que c'est ça, fait que ça... C'est comme Katamari. Ouais. Mais c'est que le déblocage de nouveaux trucs est assez constant pour que tu puisses garder un œil dessus puis qu'il y a quand même pas mal tout le temps quelque chose qui se passe. Puis j'aime beaucoup l'espèce de fonction projet qu'ils disent, OK, ben là, atteins cet objectif-là, plus tu vas pouvoir débloquer quelque chose. C'est pas tout le temps clair qu'est-ce que tu débloques. Des fois, ça l'est, des fois, ça l'est fuck all pas clair. Mais ça te donne une idée de vers quoi... Parce que c'est un riddle game avec des chiffres qui montent. Puis je pense que dans la phase 3, il y a beaucoup moins de direction, puis c'est ça qui m'a un peu... qui a fait que j'ai mal optimisé, c'est que quand on me donne des projets, moi, je fais les projets, mais j'avais arrêté de faire des paperclips. Parce qu'à un moment donné, en tout cas, dans la troisième phase, il y a rien que tu peux directement acheter en fabriquant plus de trombones. Fait que j'étais comme, peut-être qu'il n'y a plus d'intérêt de faire plus de trombones. Fait que j'avais arrêté d'en faire, puis j'avais arrêté d'optimiser cette chaîne de production-là parce que je voyais pas c'est quoi l'avantage immédiat de juste faire plus de trombones pour le trip, de faire plus de... Mais tu sais, le jeu était à propos de ça, là. Mais je me disais, ça va bien me revenir dans la face à un moment donné. Fait que j'ai comme tout optimisé tous les autres systèmes, puis à un moment donné, je faisais juste pas assez de trombones, assez vite, tu sais. Puis ben, l'intérêt du jeu, c'était de faire plus de trombones, mais c'était juste pas... C'était pas clair, puis c'était pas parmi mes objectifs, genre. Mais sinon, en général, je trouve que... Parce que c'est ça, comme... Je suis pas une fan de Idle Game qui fait juste comme... monter des chiffres pour monter des chiffres, puis qu'il y a rien qui se passe, puis que, ben, reviens dans 6 heures, puis là, peut-être que tu vas avoir un plus 1 sur ta machine à fabriquer des trucs, là. Là, ça va vite, là. Tu le regardes aller, ça monte. Puis c'est... Ce qui est cool, là, ça me fait triper sur les chiffres depuis que je l'ai fini, là. Puis là, on parlait de, genre, le nombre de T-Rex qu'il y a eu sur la Terre depuis l'existence de la Terre, puis tout, comme... Je regarde les gros chiffres, puis les ordres de grandeur, puis je trouve ça cool, parce que le jeu est exponentiel tout le temps. Tout est toujours exponentiel, tu sais. Au début, tu commences, puis tu cliques, puis tu fais un trombone. Puis à chaque étape que tu montes, t'es comme un niveau d'ordre de grandeur de plus. Puis tes chiffres sont dans un niveau d'ordre de grandeur de plus. Puis c'est juste, c'est très cool. C'est juste très... Puis c'est ça que la fin... Au début, je me disais, j'arriverai jamais. Genre, j'arriverai jamais, ça marchera pas. Mais vu que ta croissance est tout le temps exponentielle, ben tu penses que ça va être long d'arriver à une autre étape, mais c'est pas si long que ça, parce que plus ça va vite, plus ça va vite. Parce que c'est exponentiel. Fait que... Yep. Ouais, c'est quand t'es dit, genre... c'est quoi? Ah oh, non, c'est... C'est un spoiler. Oh! J'ai manqué de beaucoup de dialogues, ça, je m'en rendais pas compte. Comme, ça serait vraiment cool que tu puisses avoir une historique du log qui te montre en haut. Parce que t'as comme un petit log, puis des fois, il y a du dialogue qui s'écrit puis qui est vraiment intéressant, sauf que quand tu fais juste comme rajouter des points de processeur, ça dit aussi t'as rajouté un point de processeur, maintenant tu processes plus vite. Puis là, ça, vu que tu cliques plusieurs fois, ben ça vient que ça écrase. Ouais, c'est ça, ça écrase. Puis j'ai vraiment comme... Si je rejoue, là, ça serait pour vraiment faire super attention, puis à chaque fois, je complète un projet d'aller lire qu'est-ce qui est écrit. C'est ça. La seule affaire que ça... C'est le seul story. C'est la seule façon que tu as du lore. Quand tu complètes un projet, ça écrit du texte en haut, puis il va jamais apparaître du texte out of nowhere parce que c'est un idle game. Ils savent que t'es probablement pas en train de le regarder. Fait que le seul moment où il peut te donner de l'histoire, c'est quand tu fais quelque chose, que tu cliques. Ouais, puis c'est ça. C'est la seule façon de glaner un petit peu de lore. Puis dans la fin. Mais ouais, c'est un très bon jeu. Comme dans un browser gratuit, je le recommande. Là. Ça se fait bien en écoutant la TV, mettons. Là. Oui. Moi, c'était en mangeant. Ouais. Dans les phases actives, là, j'étais vraiment dessus. Puis là, dans les phases, comme que tu dis, que ça devenait un petit peu plus... J'étais comme, je mangeais. Ouais, ben hier, je pense que j'étais allée prendre ma douche, puis je suis revenue, puis là, j'étais comme, OK, là, c'est la fin, là. Là, je vais rester devant mon ordi, parce que ça finit, là. C'est vrai que moi, j'étais sur le téléphone aussi. Ouais, mais je me demande, tous les modules sur téléphone, c'est quoi? Faut tout le temps que tu scrolles en bas, genre? Ouais. Comme, pour vrai, ouais, dans un browser, je trouvais ça vraiment le fun, parce que t'as pas besoin de scroller du tout, tout est dans ton écran, là. À moins que ta résolution soit vraiment poche, mais genre, mon écran est pas gros, pis tout fitait dans l'écran, là. C'est quand même un peu paradoxal que la version payante, c'est la version qui est peut-être la moins nice. Mais j'ai pas de regret de l'avoir joué deux fois sur téléphone, pis d'y avoir donné 3$. Mais moi, c'est aussi l'idée, quand tu farmes, ça veut dire qu'il faut que tu laisses ton téléphone ouvert sur cette application-là. Ouais. Parce que même le sur un browser, si je change d'onglet, il arrête de monter. Ah, ouais? Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est mon browser, là. Mais ouais, si je changeais d'onglet, il s'arrêtait. Parce que je regardais tout le temps, là, quand t'as... The Swarm provides you with a gift. Puis t'as un timer, là. Je dis ça parce que je trouve que c'est non-spoilery, parce que ça dit rien, là. Puis c'est ça, quand je changeais d'onglet, le timer changeait pas. Mais si j'étais dans un autre... Si j'avais une autre fenêtre de Firefox dans mon autre écran, puis que c'était elle qui était comme en avant-plan, ça c'était correct. Mais il fallait pas que je sois sur un autre onglet. Sur c'est peut-être ça que je faisais dans le temps que je le jouais à la job. Ma première run, c'était sur l'ordi de la job. Puis je suis probablement que le jeu roulait dans une fenêtre en arrière de mes autres fenêtres. Mais ouais, c'était une belle ride. C'était cool. J'ai bien aimé la façon que ça a fini. Moi, c'est la narration de ce jeu. C'est comme ouais. Ça met en contexte. Mais c'est une narration basée sur des chiffres. Ben genre... oui, mais c'est surtout que ça met en contexte quelque chose qui se raconte pas très bien. Parce que comme, je peux t'expliquer c'est quoi qui se passe dans le jeu. Je peux t'expliquer le concept du gray. On en a parlé l'autre fois, là. C'était du gray le goo? Gray matter, je pense. Le gray goo. Le gray goo. Tu sais, genre, ouais, je peux t'expliquer c'est quoi. Puis je peux t'expliquer comment qu'on pourrait en arriver là. Mais tu vas pas vraiment comprendre. Comme tu vas juste comprendre à peu près, puis tu vas dire genre, ouais, mais on va le contrôler, on va l'empêcher. Mais voilà un exemple de comment que ça pourrait se passer, que genre, on s'en rendra pas compte, puis là, à un moment donné, oups! Il va être trop tard, ouais. Ouais. Parce que le jeu est basé sur un texte qui a été écrit, qui est un article ou un essai, qui explique genre comment... Ben, comment est-ce qu'on pourrait tous mourir parce qu'il y a un AI qui fabrique des trombones? C'est littéralement, ils ont pris le texte puis ils ont fait un jeu avec. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est parfait. Ils ont rajouté toute une narration compliquée puis toute la le texte couvre à peu près... Ah non, il me semble qu'il couvre. Il couvre au moins la phase 1 puis 2 puis je pense même un peu la phase 3. Mais il couvrait pas les value drifter, mettons. Ok, ça c'est un ajout. Ça c'était l'ajout, puis ça je trouvais ça. C'est comme, ouais, quand tu comprends c'est quoi, genre les value drifters, tu fais comme. Oh shit! Ouais, c'est comme le petit plus qui est genre mind blowing. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est drôle ça. Mais j'avoue, dans le fond, c'était un peu. Ben, c'est une réflexion qu'on a un peu sur les intelligences artificielles déjà, que si tu programmes une intelligence artificielle pour faire une chose puis qu'elle devient trop intelligente, ben, elle va aller comme... Elle peut aller jusqu'à détruire tout puis être un danger pour tout le monde juste pour accomplir l'ordre que tu y as donné, tu sais. Fait que, ouais, puis on le voit déjà. C'est très Asimov, ça. Oui! Mais j'en avais parlé à un moment donné, c'était quoi l'espèce de robot qui faisait du placement dans un entrepôt? Puis... À chaque fois qu'il allait pas à bonne place, le monde le shutait down. Fait que c'était rendu un problème sur sa productivité. Fait que le robot avait appris à, genre, éviter certains comportements qui allaient être, genre... Parce que les humains venaient pis qu'ils le shutaient down pour pas qu'il fasse ça, genre... En tout cas, tu sais, comme, le robot avait appris pour être le plus 100% efficace pis faire sa job le plus 100% efficacement parce que, genre, ça le gossait que les humains viennent pis qu'ils fassent « poop, power down » parce que probablement qu'après ça, ses chiffres de productivité pour la journée étaient bas. Fait qu'il était comme « ok, qu'est-ce qui affecte ma productivité quand l'humain, il vient pis il pèse sur le piton? » Fait que genre, faut que je le fucking dodge. Ben, il y en avait un autre aussi, c'était le robot était programmé pour éviter de se promener et éviter les obstacles. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que, ben, genre, il y avait un gros obstacle, c'était le building, puis il a sorti du building. Ah! Il y en a plus d'obstacles. C'est funny. Puis là, c'était pour se dire, mais j'ai juste à pas bouger. Il était allé se promener dans la rue avant qu'il le rattrape. Mais c'est pour ça, fait que c'est des peurs qui sont vraiment fondées. Ouais, bon, là, évidemment... C'est pas des cauchemars de Universal Paperclips. C'est un peu... L'exemple que je viens de donner, c'est des exemples qui... Il y a un concept qui dit... C'est des exemples qu'on anthropomorphise, dans le fond. Ouais. Comme le robot, il a pas réfléchi « Ah, je dois m'échapper ». Il a juste continué à éviter des obstacles pis à mener la porte ouverte. Quelqu'un a fait le robot! Ouais, mais comme... on anthropomorphise les histoires. Puis après ça, j'ai un ami qui travaille en intelligence artificielle, puis il me dit genre... parce que je disais, genre, ça me fait comme peur. Puis il dit comme, capote pas, on en a pour un méchant bout encore avant d'arriver, là. Ouais, c'est comme, OK. Mais à un moment donné, ça va arriver. Quand je lis puis... questionable content, là, je suis comme, non, on n'est pas rendu là. Ouais, non. Mais ça, c'est la version cute. Oui. C'est le singularity arrive, puis comme, c'est chill. Ouais, il y a plein de AI qui ont vie avec, ils sont chill, puis ils sont gentils, puis ils sont nos amis, puis... Ils sont juste là pour nous aider. Ouais. Oh, yes. Ben, c'est questionable content, hein. Mais oui. Ça, j'imagine. Ça peut pas finir que tout le monde. Peut-être qu'un AI nous conseille sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Parce que le problème des histoires d'horreur avec l'intelligence artificielle, c'est que quelqu'un donne une directive, pense que c'est ça qu'il veut, et ne réfléchit pas aux ramifications et au fait que c'est pas vraiment ça son objectif. Je recommande fortement, je sais pas si j'en ai parlé quand je l'ai lu, là, genre 2 ans peut-être, là. Lisez Le cycle d'Hyperion de Dan Simmons. C'est 2 livres de science-fiction. C'est juste 2 livres. Là, c'est pas une méga série, ils sont pas super gros non plus. Mais c'est incroyablement bon. Puis c'est probablement la meilleure science-fiction que j'ai lue. Puis je sais pas si j'en avais parlé, parce que comme pendant la pandémie, j'ai lu Dune puis tout. Puis que toute la science-fiction que je lis maintenant est poche depuis que j'ai lu Le cycle d'Hyperion de Dan Simmons. Puis c'est ça, dans cet univers-là, c'est ça. Comme le AI est devenu tellement bright qu'il a fait comme... OK, ben, comme, on va pas être vos esclaves, puis also, vous êtes un peu cave, puis vous allez mener à votre propre extinction, fait qu'on va être... on va s'indépendantiser, puis on va être vos conseillers. Puis un peu l'espèce de twist sans rien révéler, c'est que, genre... ouais, le AI est pas mal plus au courant de ce qui se passe, puis il est pas mal plus en train de tirer les ficelles pour être sûr que les humains sont pas en train de s'auto-annihiler comme des caves. Puis genre, on s'en rend pas compte. Puis c'est le prequel, c'est Battlestar Galactica. Ah ouais, pour vrai? Ben comme le principe, non, genre, ouais. Le principe, ouais, j'avoue. Mais, non, c'est vraiment de la bonne science-fiction, là. Le cycle d'Hyperion de Dan Simmons, c'est genre Hyperion pis The Fall of Hyperion, quelque chose genre. It's so good. Le problème, Blob, c'est que tu disais, ah, les robots, ils pourraient juste nous aider à faire ce qu'on veut, mais comme... les humains, est-ce qu'on le sait vraiment? Qu'est-ce qu'on veut? Mais ça nous prend un AI pour nous aider à le trouver qui serait désintéressé de faire une tâche différente que celle-là. Demande au commun des mortels. Ils savent mieux que nous autres. Le secret du bonheur, puis les gens ils vont dire acheter un bateau. C'était comme non. Je pense que c'est partiellement la prémisse de Human Resource Machine. C'est qu'il y a... où est-ce qu'on a créé comme une intelligence artificielle qui puis on n'a plus besoin de travailler. Puis là, les machines se rendent compte qu'on n'est pas heureux à cause de ça, fait qu'ils nous donnent des jobs stupides juste pour qu'on travaille. Ah ouais, c'est ça le plot, c'est bien. Ah, c'est la cutscene d'intro, c'est génial. C'est le trailer aussi, c'est à se rouler à terre, c'est parfait. Parce que t'as le mob avec des gens qui sont comme genre « Ouais, mais on veut pas rien faire! » On veut des jobs! Des bonnes jobs qui payent! Puis là, les robots sont comme... OK, d'abord, voici des jobs! Des belles jobs! Puis là, les gens sont comme... Yeah! Des jobs! Mais ça illustre tellement à quel point on est fucking loin de ça, là, parce que, ouais, effectivement, comme, on sait pas ce qu'on veut, on n'est pas capable de l'apprendre au AI. Puis là, on continue à faire des AI conversationnels qui font juste apprendre de ce que nous, on écrit... Plus ce qu'ils vomissent, c'est de la merde, puis on est comme, je comprends pas. On l'a nourri avec tous les écrits de l'humanité. Comment ça, est-ce qu'ils vomissent, c'est de la merde? Je sais pas, hein? Est-ce que vous avez vu The Mitchells vs. The Machines? C'est un film qui est sorti sur Netflix cette semaine. Non, j'ai vu le trailer. J'ai vu un bout. J'ai juste vu des Furby. J'en ai un sur ma tablette. Des Furby? Ça implique des Furby, ça implique des robots, du AI, puis je le conseille vivement, c'est la Sainte Trinité de beau, bon, puis drôle. Poche. Ok. C'est vraiment drôle. J'ai une amie, elle a dit son fils a tellement ri qu'il a vomi deux fois pendant le film parce qu'il riait trop. C'est pas drôle, ça! Ouais! C'est normal, ça! Apparemment, pour les enfants, c'est normal. Il y a plein de monde en commentaire qui était comme « Ah, mon fils, quand il rit trop, il vomit et stuff. » Je suis comme « Mais j'ai jamais fait ça! » Non, moi non plus! Mais arrêtez de lui donner des chips! Faut croire que notre vie est triste. C'est ça! J'ai une enfance de merde! T'es pas ça. Malade de bonheur, c'est que t'es triste. Mais je pense que c'est juste les enfants. Mais ouais. Je le recommande chaudement, puis genre, c'est égalitariste, c'est LGBTQ friendly, oh. C'est... J'ai pas vu de défaut à ce film-là. Comme, y a pas de grosses, genre, plot holes, y a pas de... C'est juste beau, pis drôle, pis fun, pis c'est ça, pis y a du AI. Pis là, vous parlez d'AI, pis je fais juste penser à ce film-là, pis j'ai envie de l'écouter à tous les jours. Damn. Ok. Pour de vrai, j'ai juste... Tu sais, comme quand t'es kid, pis tu réécoutes la même... À tous les jours, t'écoutes le même film. Moi, je faisais tout le temps ça quand j'étais kid. Puis ce film-là, c'est la première fois de ma vie adulte que j'ai juste envie d'écouter un film en boucle. Ça apporte du bonheur. Wow. Je fais ça de temps en temps. Ben, en fait, je fais ça de plus en plus. Plus je vieillis, plus j'aime ça comme refaire des... Comme rejouer des jeux. Comme Universal Paperclip. C'était un retry. Relire des affaires. Réécouter un film. Moi aussi, ça me pogne. Pas trop, là, mais un peu. Ça me pogne ces temps-ci, puis genre, c'est de quoi qui m'a jamais pogné ever. Genre, j'ai jamais vu l'intérêt de réécouter, de relire un livre, de réécouter un film que j'ai déjà vu, ou genre, de rejouer un jeu, puis ces temps-ci, des fois, ça me pogne, puis là, tu viens de... On a besoin de confort, présentement. J'ai ouais, c'est peut-être ça. Psychologie, là, puis c'est comme, tu sais, présentement, on a besoin, genre, de stabilité, puis de prédictabilité, puis d'être dans les affaires que tu connais, puis que tu sais que tu fais aimer, puis que tu sais que t'es bien, c'est ça qu'on a besoin. Plus ouais, ouais, mais c'est une meilleure chose que ce que j'allais dire, que c'est juste parce que je suis vieille, mais... Ben oui, c'est sûr que ça vient avec l'âge, ouais, parce que moi, ça a pas commencé avec la COVID, genre. Mais c'est peut-être... Ben, à moins que ce soit genre, on vit dans un monde qui est de plus en plus imprévisible, fait qu'on a... Il y a ça aussi. Ouais, parce que ça finira pas avec la pandémie. Puis comme, historiquement, les gens, ils se racontaient tout le temps les mêmes histoires, là. C'est assez nouveau que là, genre, on a des nouvelles histoires à tous les jours. Oh my god, j'ai vu un tweet, genre, la semaine passée, puis je trouvais ça tellement drôle. C'est quelqu'un qui disait, genre, « Ah, mais v'là 200 ans, comment les femmes passaient à travers une journée complète à barater du beurre sans écouter un podcast à propos, genre, des légendes urbaines de l'Europe de l'Est? » Puis expliquait que, ben, toutes les femmes se mettaient en cercle puis barataient leur beurre ensemble, puis se racontaient les légendes de l'Europe de l'Est, genre. Fait que dans un sens, comme s'ils écoutaient un podcast sur, genre, un sujet historique vraiment obscur. Le podcast a été inventé en baratant du beurre. Ouais, genre, oui, c'est ça, c'était... Né. C'était parfait. C'est ce qu'on appelle une barato-diffusion. Oh! Wow! Wow. Ben, on peut pas taper excellent. Ça, là. Ben, non, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer pas mal, c'est parce qu'il est pas mal 10 heures. C'était le dernier épisode. On peut pas faire du meilleur contenu que ça, fait qu'on est aussi bien d'abandonner. C'était la fin du podcast. 320. C'est un beau chiffron, en plus. Ouais. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'aurais pas de problème à ce qu'on arrête pendant un petit bout de temps que je rattrape mon retard de montage. Ah. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une semaine off à rien faire. Ben, il y a ça comme, tu sais, gênez-vous jamais, là, si vous voulez prendre une semaine off, ou qu'on fasse un stream chill, que quelqu'un stream un jeudi soir, whatever, comme... C'est tout le temps une option. On peut faire un live interactif, un party à distance ou quelque chose aussi pour oui. Faire une semaine de on pause. On avait eu des demandes pour faire un autre Gathertown pendant Noël, puis on l'a comme pas fait. Donc, yes. On pourrait avoir encore plus de gens. Mm-hmm. Et puis... Fait que... Un jeu. Ouais, c'était ben là, on pour est rendu ça, au là. Mot de la fin. Ouais. À vous des mots de la fin. Moi, je... Je continue de jouer à Subnautica, puis je continue de jouer à The Longing. Dans Subnautica, ma base est rendue grosse. C'est le fun. C'est pas peur, parce que à la vitesse où tu vas, là, comme tu vas être capable de jouer à Sub-Zero, mais qu'il sorte. Genre, si tu veux comme ne jamais arrêter de jouer à Subnautica, tu vas être capable de jouer au 2. Il est pas encore sorti? Non, mais je pense que c'est dans pas long. Ah, je pensais qu'il était sorti parce que je vois des annonces dans le jeu. Fait que j'ai assumé qu'il était déjà sorti. Mais je pense non, mais. Early Access. Ouais, c'est ça, il est en Early Access. Ah, ok. Ouais. Bref, en tout cas. Fait que, mais c'est pas le même jeu, fait que c'est pas grave, là. Tu pourras pas transférer ta grosse base. Je pense pas. C'est correct, c'est correct. Vous autres, avez-vous des mots de la fin? Moi, je joue à Path of Exile ces temps-ci. J'ai starté avec la nouvelle ligue Ultimatum de Path of Exile. Puis, ben, c'est bien le fun. L'affaire, c'est que genre, je joue avec quelqu'un, fait qu'on clenche un peu le contenu pour voir qu'est-ce qu'il y a, sauf que. On prend pas le temps de lire tout le lore, tu sais, fait que j'ai aucune espèce de qu'est-ce qui se passe, mais on tue des yeux, puis c'est épique. Mais, mais c'est le fun, c'est encore un jeu extrêmement, genre, twitchy, kinétique, extrêmement satisfaisant, rapide, action, tout revole, il y a des lumières partout dans ton écran, puis tout le monde explose. Puis il y a du loot, puis t'es content d'avoir du loot, puis ça shine. Pis... Ça, c'est bien profond au niveau de comment tu peux construire un personnage aussi, au niveau des mécaniques. C'est fou raide. Je suis un build parce que je suis pas bonne pour ça, puis c'est pas quelque chose que je trippe non plus à devoir absolument tout regarder, toutes les stats, puis à lire, puis à me demander si plus 10 de dex c'est mieux que plus 3 d'attaque, puis comme... Je ne tire pas de plaisir de faire ce genre de truc-là, mais les gens qui tirent un plaisir de faire ce genre de truc-là, Path of Exile, c'est leur playground, c'est la meilleure affaire ever, c'est... ouais. fait que non, il existe des outils de la... là, ça ce qui est pas pire, c'est que je joue avec des amis qui sont quand même un peu intenses dedans, fait qu'ils m'ont donné les, comme les modes à rajouter, puis les outils de communauté à utiliser pour pouvoir avoir mon build puis qu'au final, dans le fond, que j'arrive, parce que moi ce qui m'arrive tout le temps, c'est un jeu très comme Diablo 2, puis je parle souvent de la tragédie que la seule fois que j'ai joué à Diablo 2 puis je me suis rendu à vraiment à la fin, mon bonhomme t'embardit tellement comme de la merde que j'ai pas été capable de tuer le Diablo parce que j'avais pas assez de damage output, puis j'avais pas choisi des skills assez optimisés. Puis ça m'a vraiment fait chier. fait que là, j'utilise un build... Je suis pas sûre que tu pouvais respect à cette époque-là. Peut-être. J'étais jeune aussi, là. J'étais pas très vieille. Mais, ouais, je suis pas sûre. Non, hein, c'est ça, je suis pas sûre. Il aurait fallu que je recommence. Wow. Ouais, puis ça m'a un peu... Ça m'a un peu sour. Fait que c'est ça, fait que là, je suis un build qui est comme considéré comme, genre, même que j'arrive au niveau au final, en achetant ces skills-là, je vais avoir de quoi qui a de l'allure, tu sais. Fait que ça fait mon bonheur, là. Puis ben j'ai du fun avec l'équipement, là. Comme je joue pas avec, genre, qu'est-ce qui est optimisé dans l'équipement, puis tout, là, je prends qu'est-ce qui a de l'air d'avoir de l'allure. Mais c'est ça, tu sais, comme Path of Exile, ça commence à être un jeu... qui est assez vieux pour qu'il y ait vraiment... C'est tout ça qu'on appelle du feature creep quand le jeu il est sorti depuis tellement longtemps qu'ils ont juste rajouté des updates, puis rajouté des systèmes, puis rajouté des systèmes. Puis quand tu commences, quand le jeu est sorti depuis 8 ans, tu regardes les systèmes, puis t'es comme... C'est tout ça du feature creep? D'habitude, quand on parle de... Ben, on pourrait, là. D'habitude, quand on parle de feature creep, c'est parce que ton jeu, tu le sors jamais, parce qu'à chaque fois, t'es comme genre, ah, faut que je rajoute une autre feature, faut que je rajoute un autre feature. OK. Là, toi, c'est plus comme... Toi, c'est plus de la... Ben, je sais pas si ça s'applique directement, mais Extra Credit, il appelait ça de la... Ben, de la dévalorisation, mais de la... Voyons. C'est quoi le mot en économie? De l'inflation. Ah, ok, ouais. C'est comme, ça grossit, puis à un moment donné, il y a comme plein d'affaires que ça vaut pas la peine, en fait. Puis c'est genre, mais ils se sont pas donné la peine d'aller l'enlever. Je pense qu'il est refresh, mais je pense que dans le jeu de base, quand t'es en dehors d'une ligue, effectivement, je pense qu'il y a plein de trucs qui valent plus la peine, fuck all. Mais l'idée de starter avec la ligue, c'est que tout le monde est obligé de recommencer du début, puis tout le monde est dans un serveur à part, avec une économie à part. Donc l'économie fait encore du sens avec les gens qui ont starté dans cette ligue-là. Mais l'économie dans le jeu de base, en dehors de la ligue, avec tous les joueurs, tous leurs personnages qui existent depuis que le jeu existe, l'économie fait plus aucun sens. Fait que, ouais, c'est ça qui arrive. Mais, fait que, c'est ça, la nouvelle ligue, ce qui est le fun, c'est que tout le monde repart fresh, puis, tu sais, c'est un système économique qui est encore fresh, parce qu'il y a plus... Il y a pas 10 millions du même item sur le marché, par exemple. Tu sais, je parle de l'économie entre les joueurs, là, dans le endgame, là, les items qui valent vraiment une fortune et tout, là. Mais ce que j'aime de Path of Exile, c'est qu'à chaque grosse update, ils ont comme rajouté une mécanique de plus, qui est comme souvent comme un style de combat de plus, ou une zone où genre, ok, là, les monstres sont différents, puis le loot est différent, puis quelque chose de différent. Fait que... Sauf que là, ils sont tous là. Fait que, comme, on dirait que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir. Tu sais, comme, dans la nouvelle ligue, il y a le nouveau truc ultimatum, là, qui est comme une espèce de trial dans une zone limitée, puis tout, qui est intéressant. Mais ça se peut que tu tombes sur, genre, ah, une zone à part ou qui se passe de quoi de spécial, qui était, genre, la nouvelle mécanique il y a 4 ans. Je suis tombée sur des mécaniques que j'ai jamais vues, qui étaient la nouvelle mécanique il y a 2 ans. Tu sais, comme, c'est rendu un melting pot d'un peu tout, fait que ça varie les choses. Dans le endgame, ben, y a énormément d'affaires à faire maintenant que le jeu est sorti depuis beaucoup trop d'années, là. Comme. Genre, tu sais, c'est rendu que la campagne, c'est le tutoriel, là. Parce qu'après ça, t'as du stock à faire. Si tu veux, t'arrêtes plus, t'sais. Fait que. Excusez, c'est un long, hein, c'est un long mot de la fin que t'as. Un long mot de la fin, c'est correct. Ouais, je vois que vous êtes comme genre. Ok, next. C'est pas top exact, c'est le fun. C'est un hack and slash, piou piou, pow, ça explose, yeah. Parce qu'on est comme mal à l'aise à poser des questions parce que c'est le mot de la fin. Fait que, si on pose une question. Mais on veut pas t'arrêter parce que c'est parfaitement intéressant. Tu sais, fait qu'on veut pas. Ah, ben crème, merci. Oui, ben on peut en parler après qu'on ait clos. On en reparlera ou au prochain podcast. Aussi, je risque de continuer à jouer. Je pense que j'ai perdu finir en disant que c'est gratuit, non? Oui. C'est vrai. Puis c'est très. Ouais, je veux pas. Ah, on arrête sur Pass of Exile. Après. Okay. Là, ben, Camille, avez-vous des mots de la fin? Ouais, on parlait de réconfort, puis de chill, puis de tout là, qu'on a besoin. Moi, je vous conseille de jouer à Littlewood. C'est disponible sur la Switch et sur Steam. Mais, puis j'ai pogné les deux, puis sur la Switch, c'est plus le fun. Puis c'est pas trop cher. Littlewood. C'est chill. C'est cute, c'est drôle, c'est fun, c'est une bonne quantité d'heures avant de faire le tour, pour un petit jeu, là. Puis ouais, je vous conseille, je trouve qu'il est un peu passé sous le radar, il y a pas grand monde qui en parle, mais je trouve que c'est dans les jeux que j'ai le plus apprécié cette année de jouer. C'est un jeu de quel style, un Stardew Valley? Ouais, c'est un Stardew Valley, mais avec je moins de... Je vais rentrer dans les détails, là, juste... Ouais. Moins près, de répétition, oui. Puis un peu plus de planning, genre, tu sais, comme tu planes comme toute ta ville, genre, dans le fond. C'est comme. C'est peut-être plus mon genre, ça. Ouais, ben, c'est cool, ça règle certaines affaires qui étaient pas le fun dans Stardew Valley. C'est pas aussi le fun que Stardew Valley, mais il y a des affaires. C'est le meilleur jeu de tous les temps, Camille. Fait que, comme, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais il y a certaines choses que je trouve que Stardew Valley était pas parfait, puis je trouve que Littlewood, ça paraît qu'ils ont vu Stardew Valley, ils ont fait comme ça, puis ça, j'aime pas ça, puis ils l'ont fait différent, puis ça vaut la peine de jouer puis de l'essayer. Comment ils gèrent le temps puis l'énergie, c'est super intéressant, j'ai jamais vu ça ailleurs, puis j'ai l'impression qu'on va beaucoup voir ça dans les jeux qui vont s'en venir, si Littlewood a assez d'amour. Ben, tu reviendras nous en jaser. J'aimerais ça. Ça me ferait plaisir. Oui. OK. Ah, vous me Blub. Direz quand vous aurez joué. On en parlera ensemble. Blub, t'as-tu un petit mot de la fin? Ben, j'ai continué de jouer à The Longing. Puis... Ah oui. C'est le fun de être dans un endroit. Mm-hmm. Oui. J'aime être dans cet endroit-là. Mm. Même si c'est sombre et déprimant. Mais ouais, oui. C'est pas si déprimant. Ça me fait penser à Super Metroid ou à... Ben, surtout à Super Metroid quand je faisais oui. Des randomizers. C'est très c'est un Metroidvania, le jeu, là. C'est juste ouais. Que au lieu de faire des kills, tu fais juste attendre. Genre. Ça prend-tu des skills? Aucun. Oh, yes! Autre que beaucoup de patience. Ouais, c'est ça. C'est la patience, ton skill. Ben... Fait que si vous voulez savoir des nouvelles de The Longing la prochaine fois, vous pouvez vous abonner au podcast. Et on est sur Apple Podcasts, YouTube, Twitch et sur tous les endroits où vous trouvez vos podcasts. Cherchez tous les liens sur notre site web onajustunevie.ca. Vous pouvez nous envoyer des emails à info@onajustunevie.ca. Et puis, merci aux gens qui étaient dans le chat. C'était assez tranquille à soir, mais c'était bien. Vous pouvez poursuivre la conversation dans notre groupe Discord. Le lien, c'est notre site web. Merci à tout le monde, Anne-Marie, Blob et Camille, d'avoir été là avec moi ce soir. Très merci bien. À toi. Et puis, et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Non, ils prennent leur 30% en vent au début. Le reste, sur le reste, elle va mais où? Il me semble qu'il y a un calcul bizarre, genre. C'est ça, ça va à des gens qui ont full d'écoute, genre. C'est ça, ça va à Lady Gaga, puis à. C'est bizarre. Je sais pas c'est qui est populaire. En ce moment, pour aucune crise d'idée. J'aurais tendance à dire Taylor Swift, mais j'ai l'impression que je suis comme 5 ans en arrière ou quelque chose. Je sais pas. Es-tu encore cool, Taylor Swift? Comme je suis tout le temps surprise que Lady Gaga est encore d'actualité. C'est quand même surprenant qu'elle réussisse à se mettre. Yeah, mais bonne. Ça va à Nickelback. Fuck! Je veux pas que mon argent aille à Nickelback. Ouais, pis là, ils ont genre des graphiques de leurs finances qui sont comme « Look at this graph! » Ce que je me demandais où tu t'en allais. Je connais même pas leur tune. Je peux même pas dire. La toune, elle dit « Look at this photograph ». C'est sûr, t'as déjà entendu ça. Je suis pas sûr. Oh my god, oui, t'as déjà entendu ça. Every time I do, it makes me laugh.